بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ف notre assise celle-ci celle qui suit sera réservée à un sujet très important qui est le sujet de l'éducation des enfants. Surtout dans ce genre de pays qui ne sont pas des pays de l'islam où les efforts sont prodigués surtout pour dénaturer la nature des enfants et pour dénigrer l'islam. Et combien nos enfants, nos frères et nos sœurs entendent comment on se moque de l'islam dans ce genre de pays. Et comment on se moque des derniers des prophètes alayhi salatu salam, qui est notre messager alayhi salatu salam. Dans ces cas-là, si on s'occupe pas de l'éducation de nos enfants, qui va le faire? Et la responsabilité est énorme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si on laisse une descendance qui ne connaît de l'islam que le nom, qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que on est de ce genre de pays, ce genre de continent, où on insulte l'islam, on insulte le prophète de l'islam, alors que nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, quand ils entendaient que dans un village, dans une ville, on insultait salaf seulement, il y restait pas. Il y restait pas à l'islam. Hein? Qu'est-ce qu'il en est de nous? Dans un pays où on entend se moquer de la religion, ils se moquaient des derniers, des prophètes alayhi salatu salam. Le sujet est très important et d'une énorme gravité. Le mawdou'un muhimun jiddan. ينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يهتم به غاية الاهتمام. Ce sujet est d'une grande gravité. Le musulman doit lui donner son importance et s'en occuper comme il se doit. تربية الأولاد، تأديب النشأ، تعليمهم، تأديب سلوكهم، هذا الأمر مسؤولية كبيرة على ولي الأمر، على الأب. وقد جاءت في هذا الأحاديث والنصوص الكثيرة بالوعيد الشديد على من ضيع هذه الأمانة وأهمل هذا الواجب ولم يقم بما أمر الله تبارك به تجاه الأولاد. Ce sujet, à l'islam, est un des sujets très importants. Éduquer les enfants, leur donner un enseignement digne de la religion, les orienter vers ce qui va leur prévaloir, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le delà. Et ceci est la responsabilité des parents, du père, il est obligatoire. Il en est responsable. Les hadiths sont nombreux dans lesquels il y a l'énorme avertissement pour celui qui aura négligé cet aspect de l'éducation des enfants et celui qui n'aura pas été digne du dépôt qui lui a été confié. Fa kama anna al-awlad يوم القيامة يسألون عن بر آبائهم وعن القيام بواجبهم نحو آبائهم فكذلك الآباء يسألون عن أبنائهم يوم القيامة. Les enfants seront questionnés le jour de la résurrection sur leur comment concernant leur obéissance à leurs parents. Il en est de même. Les parents seront questionnés sur leurs enfants. Est-ce qu'ils ont accompli leurs devoirs et leurs responsabilités vis-à-vis de ces enfants ou pas? Chacun de nous aura à subir ces questions. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أدب ولك أو أدب ولدك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة بماذا أدبته وماذا علمته. الله تبارك وتعالى سيسألك يوم القيامة عن ولدك بماذا أدبت ولدك، ماذا علمته، أي شيء قومته. يسألك الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيجب عليك أخ الإسلام أن تعد لذلك اليوم عدته، وذلك اليوم قريب جدا. الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه il dit éduque ton enfant car il te sera posé des questions sur ton enfant le jour de la résurrection. Comment tu l'as éduqué? Qu'est-ce que tu lui as appris? Comment tu l'as éduqué? Qu'est-ce que tu lui as appris? Naam akhal islam, jour de la résurrection, Allah, il posera à tout un chacun de nous comment il a éduqué son enfant et avec quoi, qu'est-ce qu'il lui a donné comme enseignement. Et il faut préparer les réponses à ces questions maintenant, à l'islam. Si tu laisses ton enfant à l'école de la mécréance, à l'école de la laïcité, il sera éduqué comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et l'agrée. C'est eux qui vont répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ta responsabilité. Réfléchis à l'islam. Réfléchis. Et regarde, tu mets les pieds, où est-ce que tu vas? Ils ne vont pas le plus cher et l'éternel qui est le-delà avec le vil. Et sache que demain il est proche. Et demain, nous tous, nous devons rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur la amana de la religion et sur la amana de notre descendance. فربنا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة عندما يكرمك الله ويهب لك من البنين والبنات هذا فتنة لك وامتحان وابتلاء لك أخي الإسلام لينظر سبحانه وتعالى هل تقوم برعايتهم وتأديبهم وتعليمهم وتقويم سلوكهم أم تضيع هذه الأمانة أم تهمل هذا الواجب. الله سبحانه وتعالى le verset cité ici, cette traduction approximative dit ceci: certes votre fortune ainsi que vos enfants c'est une preuve pour vous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te comble, il te donne une descendance, des garçons, des filles. Ça, c'est une épreuve. C'est un examen. Est-ce que tu vas remplir ton devoir vis-à-vis de ce grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé ou pas? Est-ce que tu vas les éduquer comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que tu vas être négligent vis-à-vis de ce dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié, où tu vas accomplir ton devoir? Est-ce que tu vas t'acquitter de ce devoir ou pas? Inna al-mu'minina ikhwat al-islam alladhina tatahaqqaqa imanuhum wa ta'akkadat najatuhum min sifatihim hifdhul amana من صفاتهم حفظ الأمانة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون التي ذكر فيها صفات من تحقق إيمانه فقال في أولها قد أفلح المؤمنون ثم ذكر صفات هؤلاء المؤمنين ومن ضمن صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حفظ الأمانة يا أخي الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فتضييع الأمانة أمر خطير جدا، وحفظ الأمانة من صفات المؤمنين الكمل الذين تحقق إيمانهم وتحققت سعادتهم في الدنيا والآخرة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما معنى لأماناتهم وعهدهم راعون؟ يرعون ما استرعاهم الله ويحفظون هذا الواجب. لأماناتهم، ومن أعظم الأمانات التي بين يديك الولد ذكرا كان أم أنثى، فهو هبة من الله سبحانه وتعالى أنعم الله به عليك. إن الله سبحانه وتعالى fait partie des caractéristiques des croyants c'est qu'il s'acquitte comme il se doit du dépôt que Allah سبحانه وتعالى nous a confié. Il fait partie des dépôts que Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié à l'islam, ce sont tes enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Dans Sourate al-Mu'minun, dans laquelle sont citées les caractéristiques de ceux qui ont accompli leur foi, dans cette sourate, son début commence ainsi: ils ont réussi les croyants. Et dans cette sourate, il y a la description et les caractéristiques de ces croyants qui ont réussi. Et fait partie de leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont dignes des dépôts que Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyés. Et qu'ils préservent ce dépôt, ils préservent cette responsabilité, ils s'en acquittent. Cette responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et ils préservent leurs prières, et ceux-là, ce sont les héritiers. Ils vont hériter quoi? Ils vont hériter le Firdaus dans lequel ils seront éternels. Dans l'autre verset, qui attire notre attention sur l'importance de préserver les dépôts, où vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager, et ne trahissez pas les dépôts. Le fait de négliger le dépôt est une situation très dangereuse à l'islam. Et le fait de préserver le dépôt et de s'en acquitter comme il se doit, c'est l'une des caractéristiques des croyants qui ont complété leur foi et qui ont acquis le bonheur dans ce bas monde et qui l'auront dans le delà. Ceux qui préservent les dépôts et qui préserve les responsabilités que Allah subhanahu wa ta'ala leur a données. Hein? Ils préservent cette obligation, ils s'en acquittent. Et parmi les grands dépôts, les grandes amanates que Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains, les enfants, garçons ou filles. Et ça, c'est un des grands bienfaits de Allah azza wa jalla, avec lequel il a comblé ses serviteurs. Lillahi mulku as-samawati wal-ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur fal-waladu hibatun min Allah dhakaran kana aw untha wa huwa amanatun tus'alu 'anha yawm al-qiyamati akhi al-islam idha ji'ta yawm al-qiyamati yas'aluka Allah عن هذا الولد. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر في الحديث: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيتها بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، فأنت راع ومسؤول عن هذه الرعية، مسؤول عن بناتك أخي الإسلام، ومسؤول عن أولادك وعن أهل بيتك، يحاسبك الله تبارك وتعالى على هذه المسؤولية يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى les enfants qui soient mâles ou femelles, c'est un don min Allah. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il comble qui il veut. Et dans la citation du verset ici, dans sa traduction approximative, à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il donne à qui il veut. Des filles, il donne à qui il veut, des garçons. Donc les enfants, c'est un bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala, il les donne à qui il veut. Mais c'est aussi un dépôt, une amana, sur laquelle ceux qui l'ont vont être questionnés le jour de la résurrection. Quand on arrivera devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, des questions nous seront posées sur nos enfants. Il a été rapporté dans les authentiques, hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu majma'in, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et il a cité dans le hadith: et l'homme, il est responsable de son foyer. Il est le berger de son foyer, il en est responsable. Et la femme, il est la bergère de sa maison et de ceux qui composent son foyer. Et il lui sera aussi posé des questions sur les enfants. Donc on est tous, on sera tous questionnés sur ce dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala met entre nos mains, qui sont les enfants. On sera questionnés sur nos filles, sur nos garçons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demandera des comptes. Il faut se préparer pour ce jour-là, à l'islam. Et pour se préparer pour ce jour-là, c'est pas une fois qu'on est dans la tombe ou une fois qu'on est devant. C'est maintenant, à l'islam. Il n'y a aucun doute que le fait de les léguer à l'école de la laïcité et au mécréant d'en faire ce qu'on veut, on ne s'acquitte pas de notre responsabilité à l'islam. Hein? Et ce n'est pas eux qui vont être questionnés, c'est nous. La responsabilité incombe à tout un chacun de nous concernant ses enfants. Qu'on ne se leurre pas et qu'on ne se voile pas la face et qu'on regarde le problème et le danger de la situation en face à l'islam. Wal ibnu akh al islam la budda yata'attaru bi abihi wa bi walidayhi wa yata'attaru bi suluki abihi wa yata'attaru bi akhlaqihi wa bi muamalatihi wa yata'attaru bi dinihi yata'attaru bi walidihi ashadd al ta'attur kama qil wa yansha'u nashi'u al fityan fina ala ma kana 'awadahu abuhu وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يو كان دوت l'enfant sera sous l'influence de son père. Il imitera son père. Il prendra le comportement de son père, la religion de son père. Hein? Il sera, son père sera d'une grande influence sur son fils. Hein? L'enfant est né sur les habitudes et l'enseignement que lui a donné le père. فأنت إن عودت ابنك على المحافظة على أمر الله والقيام بالواجب والخلق الحسن والأدب الرفيع والكلمة الطيبة نشأ كذلك. Si maintenant tu habitues ton enfant à préserver les ordres d'Allah et à s'en acquitter comme il se doit, tu l'habitues au bon comportement et à la bonne parole, ben il va grandir ainsi. Et si tu l'habitues sur le contraire de ça, ben il va grandir sur le contraire de ce bon comportement. فالابن ينشأ على ما كان عوده عليه والده. L'enfant il grandit sur les habitudes et l'enseignement et l'éducation que lui donne son père et dedans entre la mère aussi. ولهذا في الغالب الأبناء صلاحهم أو فسادهم ناتج عن صلاح الآباء أو فسادهم. Dans, en général, la règle générale, c'est que quand les parents sont bons, les enfants vont être bons. Ça, c'est la règle générale. Hein? Le bon comportement des enfants, des parents va déteindre sur les enfants. Et le contraire, la même chose. فكان الأب صالحا مستقيما نشأ الابن صالحا مستقيما وإن كان والعياذ بالله فاسدا فاجرا نشأ كذلك الابن وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. Et maintenant si le père il est bon et il a un bon comportement, une bonne soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, En règle générale, l'enfant va être de même. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, si le père il est mauvais, un pervers, un débauché, l'enfant en général il sera de même. Et ça peut être le contraire. Le père est mauvais, l'enfant il est bon. Comme ça peut être, le père est bon et les enfants sont mauvais. Hein? ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدعاء. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من واقعنا الحسي نحسه ونراه. كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فكل مولود يولد على الفطرة، فإذا انحرف عن الفطرة إما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو فاجرا خبيثا، فأكثر ذلك إنما يكون بسبب الأب، إما إهمالا منه أو كون والده قدوة فاسدة والعياذ بالله. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بالبهيمة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة دائما تنتج جمعاء مكتملة، ليس فيها نقص، ليست مجدعة الأطراف أو ناقصة، تولد جمعاء كما يعهده الجميع ويعلمه يرحمك الله. Donc, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, et comme il est rapporté dans le hadith authentique, le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu wa arda, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout nouveau-né est né sur la fitra, c'est-à-dire il naît sur l'islam, sur le fait qu'il est prêt à accepter la vérité. Il a soumission à Allah, azza wa jal. Ce sont ses parents qui vont faire de lui juifs, chrétiens, aux zoroastriens. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple. Il dit comme naît la bête. La bête qui naît, elle est complète. Est-ce que vous voyez une bête qui sort, que ce soit une brebis qui met au monde un petit agneau, ben il est complet. Il a ses oreilles, il a sa queue, il a tout. Hein? Rien ne lui manque. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout nouveau-né, il naît sur la fitra, c'est-à-dire sur la soumission, sur l'islam. Et ça, c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les gens. Il n'y a pas de changement à la voix d'Allah. Hein? Chaque nouveau-né, il naît sur la fitra. Quand il dévie de sa fitra, soit il devient juif, chrétiens, zoroastriens, pervers, le Aden Billah. La cause de ceci en général, c'est le père. La cause, c'est le père en général. Soit il est négligent, hein, ou alors c'est un mauvais exemple pour ses enfants. C'est un mauvais modèle que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est clair. Il est le véridique qui a dit la vérité. Chaque nouveau-né est né sur, hein, la nature. Il est né en lui la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est sa nature. Et donc, c'est l'élément de l'extérieur qui sont les parents qui vont faire de lui un mécréant ou l'insoumis à Allah, un bon ou un pervers. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple. Vous voyez, hein, la bête qui vient de mettre au monde, que ce soit une brebis ou autre, il dit, vous voyez qu'il n'est complète, il lui manque aucun morceau, ni ses oreilles, ni sa queue, rien ne lui manque, hein, rien. La bête, il sort le nouveau-né parmi les agneaux, il sort, il est complet. Qui va faire que il va lui manquer un morceau? C'est les gens de l'extérieur qui vont soit lui couper l'oreille, soit lui couper, hein, la queue, soit, etc. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المثال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة دائما تولد جمعاء مكتملة ليس فيها نقص, ليست مجدعة الأطراف أو ناقصة, تولد جمعاء كما يعهده الجميع ويعلمه الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل رأيتم بهيمة تخرج جدعاء؟ أبدا. حتى تكون أنتم تجدعونها. فإذا وجدت بهيمة مقطوعة اليد أو مقطوعة القرن أو مقطوعة الأنف أو مكسورة الأذن فهذا من راعيها. الراعي هو السبب في ذلك, إما إهمالا أو فعلا. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la bête est née complète, sans qu'il lui manque quoi que ce soit. Il dit, et ça c'est un exemple qui est connu. Quand on regarde les bêtes, en général, ils naissent sur leur nature, sur leur forme, complète. Il ne leur manque aucun membre, jusqu'à ce que l'être humain, prend les bergers, mais le responsable de ce troupeau, vont soit lui couper l'oreille, soit lui couper les cornes, soit lui couper la queue, et ainsi de suite. Qui en est la cause? C'est un élément de l'extérieur, c'est le berger. Soit il le fait lui-même directement, soit par négligence. Et la bête va perdre un de ses membres. Al-ibnu kadhalika akhal islam yuladu ala al-fitra, yuladu ala al-islam. Fa'idha ta'allam al-kadhib, أو تعلم الغش أو تعلم الفساد أو تعلم الانحراف أو تعلم ترك الصلاة أو تعلم شيئا من ذلك فهذا ليس من فطرته, هذا خارج عن فطرته, هذا بسبب التربية. الفساد الذي يحصل للولد هو ناتج عن التربية, إما تربية البيت تكون غير سديدة أو تكون تربية الشارع مؤثرة على الولد, ويتغى تأثير الشارع على الولد أكثر من تأثير البيت. وهذا يلاحظ أحيانا, يكون الوالد صالحا مستقيما ثم يخرج الابن فاسدا. لماذا؟ من أين أخذ هذا الفساد؟ أخذه من الشارع. Cet exemple que nous a donné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il en est de même pour les enfants. Les enfants, ils naissent sur l'islam. Leur nature, c'est d'être soumis à Allah. Quand l'enfant apprend le mensonge, apprend la trahison, la tricherie, apprend le mal, dévie, délaisse la prière, ceci ne fait pas partie de sa nature. Ceci est un élément extérieur à sa nature. Et ceci, c'est la cause de l'éducation. Le mal qui atteint le gamin découle de la mauvaise éducation. Soit l'éducation du foyer n'est pas bonne, soit l'éducation de la rue a beaucoup plus d'impact sur l'enfant. Hein? Et des fois, c'est pour ça, des fois, tu vois une famille qui sont vertueux, qui sont dans le bien, et tu vois les enfants, a'oudou billah. La rue les a trop influencés. Hein? D'où il a pris son mal? De l'extérieur de la maison. La même chose, tu vois le frère, une sœur qui sont dans le bien, mais leurs enfants sont dans les écoles de la laïcité, ils font des gestes, ils disent des choses qui ne correspondent pas à la virtuosité des parents. D'où ça leur vient? Du foyer? Non. La mauvaise influence de l'extérieur. Hein? La mauvaise influence de l'extérieur à l'islam. Et combien il est très dangereux dans ce genre de pays de pouvoir rallier et à trouver un équilibre. Si l'enfant il reste 8 heures, 6 heures dans l'école de la laïcité, combien de temps il passe avec sa mère et son père? Hein? Réfléchissons. Et demain, devant Allah, qui est responsable? C'est nous, les parents. Pas se leurrer. Demain, devant nos manuscrits dans lesquels il y a nos œuvres, chacun se retrouvera dans le vin, hein, devant ses feuilles à l'islam. Il faut regarder la réalité en face. Et lui trouver des solutions. Il retrousser ses manches pour pouvoir remplir notre devoir vis-à-vis de cette descendance, vis-à-vis du site amana que nous avons entre les mains. Le confort de ce bas monde, il est éphémère à l'islam. Il va se terminer. C'est comme un mirage. Hein? Sa beauté, il est fausse. L'éternel, il est après. Après avoir passé l'examen. Cette maison, c'est la maison des épreuves à l'islam. Et fait partie des épreuves, c'est amana qui sont les enfants à l'islam. Qu'on n'oublie pas. Et qu'on ne se fasse pas accaparer par le bas monde et par le confort de ce bas monde. فالواجب أن نقوم بهذه المسؤولية وأن نرعى هذه الرعية وأن نقوم بواجبهم كما ينبغي. يقول الله عز وجل فاسمع أخ الإسلام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم نارا، هذا واجب متحتم على كل مسلم أن يقي نفسه وأهله من النار. والأهل يشمل الزوجة والأولاد ويشمل كل من تحت رعايتك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من صفات هذه النار أن وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بما نقي أنفسنا من النار؟ بطاعة الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour nous de s'acquitter de cette responsabilité. Hein? Cette responsabilité, ce dépôt, nous devons le préserver. Et nous devons nous acquitter de notre devoir concernant nos enfants comme il se doit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que ceux qui sont sous votre pouvoir et sous votre tutelle, rentre dedans la femme, les enfants et tout un chacun qui est sous ta responsabilité. Préservez-vous ainsi que ceux qui sont sous votre responsabilité du feu de l'enfer. Le combustible de cet feu, ce sont les pierres et les gens, les pierres et les humains. Et les gardez par des anges forts et fermes qui ne désobéissent pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui mettent en application tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Préservez-vous ainsi que ceux qui sont sous votre responsabilité du feu. Et ça, c'est une obligation à tout musulman et à toute musulmane de se préserver du feu de l'enfer. Et de préserver ceux qui sont sous sa tutelle, la femme, les enfants. Préservez-vous du feu, ainsi que ceux de vos familles, ceux qui sont sous votre tutelle, du feu de l'enfer. Les caractéristiques de ce feu de l'enfer, c'est que son combustible, ce sont les gens et les pierres. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il est gardé aussi par des anges qui sont forts, qui sont fermes, qui ne désobéissent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire. Comment se préserver et préserver ceux qui sont sous notre responsabilité? Nous s'acquittons de nos devoirs, nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous mettons en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous s'abstenons de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. وبما نقي أنفسنا وأولادنا من النار. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في معنى قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدبوهم وعلموهم. هذا معنى وقايتهم من النار، أدبوهم وعلموهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وغفر له في معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا: مروهم بالفرائض وعلموهم الخير، مروهم بالفرائض وعلموهم الخير. Comment préserver notre descendance du feu de l'enfer? Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وارضاه, il fait partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Il a fait que leur voix, c'est la voix qui est agréée min Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le verset « Préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer », il a dit « Éduquez-les et enseignez-leur, donnez-leur un enseignement ». Et pose-toi la question, akhal islam, est-ce que le mécréant, le laïc, va donner à ton enfant ou à ta fille l'éducation avec laquelle tu vas t'acquitter de ta responsabilité ou l'éducation qui va le préserver du feu de l'enfer? Questionne-toi, Akhal Islam, et réponds toi-même à ta question. Avant que tu sois devant Allah, ou ce moment-là, il n'y a que les comptes. Réfléchis bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit, concernant le même verset, ordonnez-leur les obligations, apprenez-leur le bien. Et quand on sait que maintenant, certains qui s'acharnent, instituteurs, institutrices et profs qui s'acharnent sur les enfants, comment, à quelle heure vos parents ils vous réveillent, à quelle heure ceci, est-ce qu'ils vous frappent, et kada, tout ceci pourquoi? Pour le bien de l'enfant, pour la destruction de l'identité musulmane de cet enfant. Et pour la destruction de sa aqida. Faïdan, wiqayatul waladi minan nar, yakounu bi amrayn muhimmayn azimayn jalilayn la budda minhuma. At-ta'dib wa at-ta'lim. Ta'dibul walad wa ta'limuh. Et donc, préserver les enfants du feu de l'enfer, il se fait avec deux choses importantes. obligatoire. L'éducation et l'enseignement, les éduquer selon la parole d'Allah, l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Hein? Les éduquer et leur donner un enseignement digne de la parole d'Allah, de l'authentique de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. تؤدبه على الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة والآداب الحميدة والمحافظة على أمر الله والبر والصلة والصدق والوفاء والأمانة والحياء والبعد عن كل خلق ذميم كالفحش والبذاء والسب والكذب والسخرية والاستهزاء كل ذلك تجتهد غاية الاجتهاد في تجنيب ابنك Mindalik. Tu lui dis comment? Tu lui dis que sur la noblesse des comportements et sur le bon caractère et le comportement louable, sur le fait de préserver l'ordre d'Allah, sur le fait de préserver le lien familial, l'obéissance aux parents dans l'obéissance à Allah, tu lui dis que sur la véracité d'être digne du dépôt qui lui soit confié, de l'éduquer sûr, d'être loin de tout comportement blâmable, hein, et de toute mauvaise parole, de la tricherie, du mensonge, de la moquerie. Tu prodigues des efforts pour lui donner cette éducation et ce comportement. Maintenant, regarde, dans cette école de la laïcité, hein, regardez cette jeune fille, qui œuvre pour rester dans la pudeur. Il a 15 ans dans un collège de l'Est de la France. Hein? Et qui met des robes très larges, des jupes très larges. Et qu'il est renvoyé de l'école parce que cette robe large et longue est un signe ostentatoire, soi-disant. Alors que la fille, quand il arrive devant l'école, ce qu'il n'a pas le droit de le faire, c'est d'enlever le voile de la tête déjà. Hein? Il essaie plus ou moins de préserver un peu de la pudeur, mais on veut lui enlever. Hein? Et certains encore se mentent à eux-mêmes, se trahissent eux-mêmes, en disant, on est bien ici, on a la liberté du culte, la liberté d'expression. Quelle liberté d'expression? Pourquoi tu te mens à toi-même? Pourquoi tu te trahis toi-même? Regarde la réalité en face. وعلموهم تعلمهم ما ينفعهم من الخير تعلمهم الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات تدلهم على الخير وإذا كنت في نفسك قليل العلم مز البضاعة فعليك أن تذهب بهم إلى من هو أهل لكي يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم ها ويربيهم بكتاب الله وسنة رسول الله وفق منهج الصحب الكرام لا بد لك من التضحية وأنت في هذه البلاد تضحية بالوقت تضحية بالمال لكي تقي نفسك وذريتك من الهلاك وهذا لا تصل إليه إلا إذا ضحيت وعرفت خطر الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعظم المسؤولية التي أنت أمامها خاصة وأنت في هذه البلاد الكافر أهلها لا بد لك أن توجد من يعلم أبنائك ويوجههم توجيه الحسن إذا كنت لا تستطيع ذلك إيه علموهم كمو لبخزغبي سيقول لك دوني أنون سينموكم الذي على رضي الله عنه وارضاهكم الذي ها الحسن البصري لغة سينيز كي فالوغ اتخ بنيفك دون سبا موند دون لدولا لغة سينيز les obligations لغة سينيز كي les préférables d'accomplir. Tu les orientes vers le bien, Et si toi-même, tu n'as pas le bagage pour le faire, hein? Ceci n'est pas un défaut. Hein? Tu n'as pas. Ben, tu les orientes, tu les amènes vers quelqu'un qui va les éduquer, qui va leur enseigner. Et il est obligatoire que tu te sacrifies. Sacrifice au niveau matériel, au niveau argent, au niveau temps, etc. pour leur trouver la personne adéquate chez qui les mettre, pour qu'ils leur apprennent ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah, l'authentique de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah. Surtout en vivant dans ce genre de pays, il est obligatoire que les efforts s'unissent pour que dans les mosquées puissent exister ces cellules d'enseignement pour éduquer nos enfants, nos filles. Et encore, il faut préserver cet enseignement. Pas en disant, bakhlas, ils viennent à la mosquée, ils viennent n'importe comment. Hein? En les éduquant pour le comportement de la mosquée. La séparation des filles et des garçons. Hein? Et faire en sorte que les filles, quand ils ont plus de 10 ans, ce n'est plus un garçon qui va leur enseigner. Hein? Pour qu'ils s'habituent, pour qu'ils sachent. Faire la différence entre la réalité de leur identité et la réalité de leur religion et l'extérieur dans lequel ils vivent. Obligatoire. Ça veut dire que ici, la difficulté est encore plus énorme. Hein? Et les efforts, on doit doubler d'efforts à l'islam et du sacrifice. Et il ne faut pas s'endormir. Parce que le temps, il tourne. Et ce gamin qui a aussi de gamine qui avait 7 ans, 5 ans, dans peu de temps, tu te retournes, tu as déjà les fiancés qui frappent à ta porte. Hein? Ça passe très vite. Il faut faire très attention à ça, à l'islam. Le temps, il passe très vite. Et le petit gamin qui avait 3 ans, tu tournes au laps de temps, un clin d'œil, ben ça y est, là, c'est la 13 ans. Hein? Obligatoire, à l'islam. فالطفل تبدأ بتعليمه أنت ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى تعرفه الله ولهذا يشرع أن يلقن الطفل أول ما يلقن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من صغره يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها يعود على هذه الكلمة من حين يبدأ يتكلم إلى أنفه. Tu commences déjà à la maison à l'éduquer. Et tu commences à lui donner la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui commences à lui faire mémoriser l'attestation de foi, à lui faire comprendre cette attestation de foi. Dès qu'il commence à parler, tu lui donnes cet enseignement et tu l'habitues à cette noble parole. Hein? La parole pour laquelle les cieux et la terre ont été créés. Pour laquelle il y aura le jugement, le paradis ou l'enfer, pour laquelle l'humanité est divisée en deux, mécréants et croyants. Tu darribu, qul ya ibni la ilaha illallah, wa yushiru bi usbu'i hakada, la ilaha illallah, tawhidullahi tabaraka wa ta'ala, fa insha'u min sigharihi, wa huwa yushiru bi tawhid, yaqul la ilaha illallah, ay la ma'bud haqq illallah. فينشأ من الصغر من حين بدأ يتكلم وهو يعرف ذلك ثم إذا بدأ يتكلم يعلم خوف الله يعلم خوف الله. Donc tout petit garçon qu'il est, tu commences à l'éduquer sur le monothéisme. Hein? Ils disent la ilaha illallah et qu'ils prennent la signification de la ilaha illallah, n'est digne d'être adoré qu'Allah, hein, et qu'il fasse, hein, montre vers le ciel, hein, on lui apprend le monothéisme à bas âge à l'islam. Et quand il commence à parler, tu commences à lui inculquer la crainte d'Allah. Non pas fais attention là, si tu fais quelque chose, je te surveille. Je suis derrière toi. Un jour il se rendra compte que tu mens. Tu ne peux pas être partout derrière lui. C'est impossible. Donc ne l'habitue pas au mensonge. Lis-le directement avec la crainte d'Allah. Inculque-lui directement la crainte d'Allah, où qu'il soit. Et tout petit, tu lui donnes ceci. يقال الطفل الصغير وبدأ يافي بدأ يتكلم ليتوه خلقنا الله وأوجدنا الله هو خالقنا هو موجدنا سبحانه ويعلم ما يقال له يعلم ما يقال له الله أوجدنا للعبادة وأوجدنا لنطيعه ونمتثل أمره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et donc, l'enfant tout petit, si tu n'as pas ta modèle, ne le donne pas aux autres, qu'il le modèle avec la lirette. Si tu n'as pas ta modèle, à toi de la modeler sur le monothéisme, sur la connaissance d'Allah, sur la crainte d'Allah, Azza wa Jal. Et tout petit, tu lui enseignes pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer, pour se soumettre à ses ordres, pour s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Tu lui enseignes le verset « Je n'ai créé les génies, les humains, que pour m'adorer. » يُعَلَّمُ الطِّفْلُ وَهُوَ صَغِيرٌ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ وَأَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَيْنَا لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنَّا خَافِيًا. Et on enseigne à l'enfant, à bas âge, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône géant, au-dessus du sept cieux, et malgré qu'il est au-dessus de tout, ben il nous voit, il nous entend. Rien ne lui échappe de nous. يعلم الطفل هذا الله يراك أينما كنت ويسمع صوتك ويسمع كلامك وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية. Il faut éduquer l'enfant ainsi. Comme quoi, Allah au-dessus de son trône, il le voit, il nous voit, il entend nos voix, il sait ce que nous disons, il sait tout de nous, rien ne lui échappe. Ainsi il faut éduquer l'enfant. Non pas je vais être derrière toi, je sais où tu vas, je te suis, je te vois. Comment ça tu le vois? Tu ne le vois pas, tu lui mens. Tu lui dis que sur l'enfant, sur le mensonge, l'akhad islam, donne-lui la crainte d'Allah. Donne-lui la crainte d'Allah, tout petit qu'il est. Ne l'habitue pas à avoir peur de toi. Ne l'habitue pas au mensonge à lui dire des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas être derrière lui. C'est impossible. Tu ne peux pas le voir là où il est. C'est impossible. Qui peut le faire si ce n'est Allah Azza wa Jal. Donc directement tu le lis avec Allah. Qu'il apprend tout petit à observer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. يُعَلَّمْ تَقْوَى اللَّهِ يقال له اتق الله يقال له خاف الله ينشأ على هذه الأمور منذ الصغر أخ الإسلام يعلم هذه الأشياء منذ الصغر. On lui dit que sur le fait de préserver les droits d'Allah qui est taqwa, mettre en application les ordres d'Allah et s'abstenir de ce qu'il a interdit. On lui dit crains Allah, préserve les droits d'Allah, aie peur d'Allah. Et on l'éduque sur cette éducation. Ainsi, nous devons le modeler ainsi. Il lui parlait selon son langage, mais il lui expliquait ces choses. Que sa réelle crainte, et sa crainte doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il entend. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. ثم بعدها يعلم الصلاة مثل ما جاء في المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب ينبغي أن نقوم بها مع الأبناء. أن نأمرهم بالصلاة لسبع سنين وأن نؤدبهم عليها في العشر وأن نفرق بينهم في المضاجع. Labud. Et après, quand il arrive, hein, alors l'âge de Satan, on commence à lui apprendre la prière. Et on commence déjà à le préparer pour l'âge de Satan. Hein, on lui enseigne la prière, comme il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans les livres du Sunan, dans les recueils de la Sunna. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Ordonnez-leur à 7 ans. Et corrigez-les, donnez-leur une correction s'ils la délaissent à 10 ans. Et séparez-les là où ils dorment. Ils ne doivent pas dormir ensemble sur la même couverture. Chacun à sa place. Hein? Et ce hadith, il contient 3 comportements que nous devons prodiguer à nos enfants et que nous devons nous accomplir vis-à-vis de notre descendance. D'abord, lui ordonner la prière à Satan et lui apprendre comment il doit la faire. Deuxièmement, à l'âge de 10 ans, c'est la correction. Hein, c'est le corriger. Ah, le corriger ne veut pas dire qu'il faut lui casser un membre. Abadanakh al-Islam. Et si ta main va trop loin, tu verras après ce qu'il va arriver à ton enfant, tu ne le verras plus. Ah, et peut-être qu'il se trouvera dans une famille de chrétiens ou de pervers. Hein? Donc tu as à faire très attention. Et le troisième comportement, c'est quand ils arrivent à l'âge de 10 ans, on les laisse plus s'endormir les uns à côté des autres sur la même couverture. On les sépare. Hein? Obligé à faire l'islam. Et quand on dit, quand Rasoul a dit ordonnez-leur à 7 ans, ça veut dire leur dire al-Fajr, tu le réveilles. Tu le réveilles, c'est ta responsabilité. Quand est-ce qu'il va s'habituer? Parce que c'est le rythme que nous devons avoir. Et la bénédiction, comme il a dit Rasoul, il est aux gens qui se réveillent tôt. Il y a 10 ans, quand il ne se réveille pas, tu le forces. Hein? Maintenant, combien d'efforts on prodigue pour les enfants, pour les envoyer dans l'école de la laïcité? Hein? Et pourtant, on ne les réveille pas à Salat al-Fajr. Là, c'est petit. Il a eu trop d'examens. Khlas. Il aurait eu l'examen. Devant Allah, qu'est-ce que tu diras? Pour lui, pour toi. Qu'est-ce qu'il en est? Hein? Regardez comment on reçoit des mauvaises influences en habitant dans des pays de mécréance. Hein? Regardez comment ça nous amène vers quoi? Vers le laxisme dans notre religion. Et vers le manquement à notre éducation, à notre devoir vis-à-vis de nos enfants. Là, il faut faire très attention. C'est pas parce que tu arrives à la fin, entre le 5 et le 6, et que tu remplis le chariot, tu arrives à peine à le pousser pour le charger dans la voiture, que tu t'es acquitté de ton devoir. Abadan. Ça, c'est une partie minime de ton devoir. Minime. Mais la plus importante, c'est cette éducation. L'éducation à ce qu'ils connaissent Allah, à ce qu'ils se soumettent à Allah, à ce qu'il a mis en application ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue à l'islam. On arrête là, inshallah, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wa liyus salihin, wa ashhadu anna muhammadan, abduhu, ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيضا من الأمور المعينة على تربية الأولاد وهو أمر في غاية الأهمية يا إخوان ويجب أن ننتبه له أن يكون الأب قدوة صالحة يقول الله تعالى جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Il fait partie des choses qui nous aident à éduquer les enfants et qui sont très importantes à laquelle il faut faire très attention à l'islam. C'est que les parents doivent être un bon modèle pour les enfants. Et ils doivent être un modèle pour les enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur ce verset dans sa traduction approximative dit ceci. Ô vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah, le fait de dire ce que vous ne faites pas. Hein? Il faut que nous soyons des bons modèles pour les enfants et que notre langue et ce qui sort de notre langue correspond à ce que nous faisons. Hein? Et ceci est très important et c'est une grande obligation à l'islam. فمن الواجبات المهمة والمتحتمة على كل أب أن يكون صالحا في نفسه مستقيما في نفسه حتى ينشأ الابن متأثرا بوالده في استقامته. وأهل العلم يقولون إن الدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال فتكون في نفسك قدوة صالحة لابنك. Et fait partie des obligations importantes qui incombent à tout père et toute mère aussi, c'est qu'ils doivent être vertueux en eux-mêmes. Ils doivent être dans la droiture, dans leur religion. Car les enfants sont influencés par le père, comme ils sont influencés aussi par la droiture de leur mère et la droiture de leur père. Hein? Et les hommes de science disent que la da'wa avec les actes est beaucoup plus importante, il a plus d'impact que la da'wa avec la langue. La da'wa avec les actes, en faisant les actes qu'il faut accomplir et les bonnes œuvres, etc., est beaucoup plus importante qu'avec la parole. Tu dois être un bon modèle pour tes enfants. En étant bien dans ta vie, toi, en étant un réel soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Pour que lui, il prend l'exemple sur son père. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فَتَكُونُ قُدْوَةً صَالِحَةً لِابْنِكَ فَتَكُونُ أَنْتَ في نفسك محافظا على الأوامر مجتنبا للنواهي مبتعدا عن المحرمات فعندما تقول لابنك صل يا بني حافظ على الصلاة يا بني فيجب أن تكون أنت سابق له إلى المسجد عندما تقول لابنك صل أو تأمره بالصلاة فينبغي أن تكون سابقا له إلى الصلاة محافظا أنت على الصلاة في نفسك. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a orienté dans la traduction approximative du verset, vous avez le meilleur des modèles dans le messager d'Allah pour ceux qui espèrent la récompense d'Allah et espèrent la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi? Notre messager alayhi salam, ses paroles correspondaient à ses actes alayhi salatu salam. Donc nous devons être conformes, c'est notre modèle. Et donc il est obligatoire pour nous que nous soyons des modèles pour nos enfants, qu'on soit nous-mêmes des gens qui préservent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'abstiennent ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et que nous soyons nous-mêmes, on s'éloigne nous-mêmes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Allah il a interdit de zuyuter le haram, d'écouter la musique. Tu l'as interdit aux enfants et toi dans ta chambre, tu mets la télé ou là tu mets quelque chose dans ce genre. Il y a une contradiction. Donc on ne doit pas tomber dans la contradiction. On doit être des modèles avec nos actes. Tu dis à ton fils, prie. Toi, le premier, tu dois préserver la prière. Tu dis à ton fils, il faut que tu ailles à la mosquée. Toi, le premier, tu dois le devancer. Il va arriver à la mosquée, il doit te trouver à la mosquée, en premier. Hein? Si tu ordonnes à ton fils de préserver, toi aussi, tu dois préserver avant tout. Aïdan, عندما تنهى ابنك عن امر محرم, مثل الدخان, أو المسكرات أو نحو ذلك، فيجب أن تكون أنت أول من يجتنب هذه الأمور، لأنه من التناقض بمكان الذي يقع فيه بعض الآباء، ها، ينهى ابنه عن خلق وهو يأتي ذلك الخلق، هذا تناقض. كيف تطلب من ابنك أن يسمع منك وأنت لا تفعل الشيء الذي أمرته به؟ كيف تطلب من ابنك أن ينتهي عن شيء وأنت لن تنتهي عن هذا الشيء الذي نهيته عنه؟ فإذا أمرته بشيء تكن أنت سباقا له، وإذا نهيته عن شيء تكن سباقا أيضا في الامتناع عن هذا الشيء. وإياك والتناقض في التربية، تأمره بشيء ولا تفعله، تنهى عن شيء ولا تفعله. إيه؟ كون الله سبحانه وتعالى كنت يغضون أتون فيس، كنت ينتغدي أتون فيس كلكو شوز كي باليجي فيغي كي حرام كي ليسيت، ها كوم لو فات de lui interdire de fumer. Ne fume pas, c'est mauvais. Hein? Ne prends pas de drogue, ne bois pas d'alcool, et ainsi de suite. Tu dois être le premier à t'abstenir de ce genre de choses. Car ça fait partie de la contradiction dans l'éducation d'interdire à ton fils le fait de fumer ou de boire de l'alcool, et que toi, tu bois et tu fumes. C'est une contradiction. Si tu lui interdis quelque chose, tu es le premier à t'abstenir et à ne pas la faire. Parce que c'est une contradiction. Et tu vas déséquilibrer l'enfant. Comment tu veux que ton fils il t'entende et il accepte de toi et qu'il écoute ce que tu lui dis? Tu lui as interdit une chose et toi tu l'as fait. Hein? Donc quand tu lui ordonnes quelque chose, tu lui interdis quelque chose, tu es le premier à t'abstenir. Hein? Ne tombe pas dans la contradiction dans l'éducation de tes enfants. Hein? Fais attention à ceci. Ceci est très important. Hein? Ne déséquilibre pas ton fils, ni ta fille. Hein? Parce que la contradiction dans l'éducation, tu lui dis une chose et toi tu fais le contraire, ceci va faire du mal à l'enfant. Hein? Et donc il faut prendre ceci en considération, et ceci nous aide dans l'éducation de nos enfants. فهذا من الأمور المعينة على تربية الأبناء. ألا نتناقض في التربية. إذا أمرناهم بشيء أن نأتي به. وإذا نهيناهم عن شيء لا نفعله. أن يكون الوالد قدوة صالحة لا يأمر ابنه بخلق ثم يخالفه، مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أنهاكم عن شيء وأنا أفعله، بل أنهاكم عن الشيء وأنا أول من ينتهي عنه. هكذا المسلم عندما ينهى عن الأخلاق الرذيلة أو القيم المنحطة أو نحو ذلك، يكون هو في نفسه مبتعدا عنها، فيكون قدوة صالحة لابنه. Et donc, parmi les choses qui nous aident dans l'éducation de nos enfants, c'est d'être des modèles. Quand on leur donne un comportement, c'est nous le premier qui mettons en application ce comportement. Ah, quand on leur interdit quelque chose, c'est nous le premier, on s'abstient. On doit être comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a signalé dans le Coran concernant Shu'aib alayhi salatu salam, dont la traduction approximative du verset il est dit: Shu'aib a dit à son peuple, hein, je ne veux pas être en divergence avec vous, vous interdire quelque chose et je l'accomplis moi. Abadan, c'est-à-dire ce que je vous interdis, je m'en abstiens aussi. Je ne le fais pas. Je m'en éloigne. Hein? Donc, toi, dans l'éducation de ton fils, quand tu lui interdis quelque chose, tu es le premier à être loin de cette chose. Et ça, c'est le devoir du musulman aussi, ainsi qu'il doit être. quand il interdit un mauvais comportement, un mauvais acte, une mauvaise parole, c'est le premier à ne pas la faire. Hein? Le premier, il doit être un exemple pour ses enfants. أيضا من الأمور المعينة على تربية الأبناء أن تأمرهم وتنهاهم أن تأمرهم بما ينفعهم من الخير والصلاح والاستقامة والبر والصلة وتنهاهم عما يضرهم من الفواحش والمعاصي والرذائل فدائما تتابع ابنك دائما تكون في متابعة لابنك ومراقبة الله فإذا وجدته مخلا ببعض الواجبات تأمره مثل ما تقدم معنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها مروا أبناءكم بالصلاة فتأمره وتنهاه عن كل ما يفسد دينه وخلقه وتحذر أشد الحذر من فعل أي أمر يسبب فساد فطرته والعياذ بالله. Et parmi les choses qui nous aident dans l'éducation de nos enfants, c'est le fait de leur ordonner et de leur interdire des choses. Tu leur ordonnes ce qui va leur être bénéfique. Tu leur ordonnes le bien. Tu leur ordonnes le fait d'être droit dans leur religion, d'être obéissant à leurs paroles, à leurs parents, d'entretenir la relation familiale. Tu leur interdis ce qui va leur faire du mal, la turpitude, le blâmable, la désobéissance, le fait de couper les relations familiales. Toujours tu es derrière ton fils et tu observes. Et au moment où il faut lui ordonner quelque chose, tu lui ordonnes. Au moment où il faut lui interdire quelque chose, tu lui interdis. Hein? Si tu vois qu'il est négligent sur certaines obligations, tu lui ordonnes de les accomplir. Si tu vois qu'il glisse vers la désobéissance, hein? Tu lui ordonnes de s'en éloigner. Comme il est. Les preuves qui sont passées avec nous, dans le verset où il est dit, et ordonne à ta famille la prière est patiente et endure là-dessus. Et comme a dit Rasulullah, ordonnez à vos enfants la prière. Donc il est obligatoire que tu lui ordonnes le bien et que tu lui interdises le mal. Tout ce qui va faire du mal à sa religion et à son comportement, tu lui interdis. Et qu'il faut que tu fasses très attention à ne pas faire des choses qui vont être la cause d'altérer sa fitra. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'an, ba'du sighar, tajiduhu yaqa' fil kadib. Mumkin umruhu sanatayn. Ou talat sanawat. Ou arba' sanawat. Yaqa' fil kadib. Yakdib. Kayfa ta'allama hadha as-saghir al kadib? Wal kadibu khilafu al fitra. قد يكون هذا ناتج من الأب أو الأم أو الأخت الكبيرة أو بعض القريبة بماذا؟ وهذه واقعة أخ الإسلام. تجد الأب إذا أراد أن ينادي الطفل الذي عمره سنة أو سنة ونصف يقول له تعال خذ ويضم يده هكذا تعال خذ فإذا وصل الابن فتح يده فإذا بها ما فيها شيء كذب فهذا يعلمه الكذب يعلمه ماذا؟ الكذب ففي الحديث عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعال أعطيك تعال أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قال تعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة حذاري نحن نعلمهم الكذب هكذا وتكتب علينا الكذبات ها الله سبحانه وتعالى Fais très attention à des choses qui vont altérer la nature sur laquelle a été créé le gamin. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Hein? Maintenant, tu trouves que des petits montent, tombent dans le mensonge. Certains ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, un peu plus, un peu moins, classe. Il monte. Ce petit, où est-ce qu'il a appris le mensonge? Le mensonge, c'est le contraire de la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Le contraire de la fitra. Ben, ça peut arriver soit des parents, la mère ou le père, soit de la grande sœur, soit de quelqu'un parmi les proches. Pourquoi? Hein? Et ceci, c'est quelque chose de réel. Hein? Qui est connu. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Tu vois que le père ou la mère, quand il veut appeler son fils, il ferme sa main. Viens, je te donne quelque chose. L'enfant, il a un an et demi, ou là, il a deux ans, il regarde la main fermée. Et quand le gamin, il arrive, il l'ouvre. Vide. C'est un mensonge. Il lui a menti. Il est en train de lui apprendre le mensonge à bas âge. Hein? Alors qu'il a un an, qu'il a deux ans, il a un an et demi, ou deux ans, ou trois ans. Il lui dit, viens. Et il serre sa main. Comme s'il y a quelque chose dans sa main. Quand le gamin arrive, la main s'ouvre, il n'y a rien du tout dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces cas-là, il est en train de lui apprendre le mensonge. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amir radiallahu anhu, il a dit, Abdullah ibn Amir se rappelle, quand il était petit, il dit, ma mère m'a appelé un jour, alors que le messager était assis chez nous, et il m'a dit, viens, je vais te donner quelque chose. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à sa mère, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas lui donner? Il lui a dit, je vais lui donner une date. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu ne lui avais rien donné, ça aurait été écrit pour toi un mensonge. Si tu ne lui donnes rien et tu lui avais rien donné, écrit comment? Un mensonge. Hein? Et nous devons faire très attention à ça, à l'islam. Parce qu'on est en train, agissant ainsi, on éduque les enfants sur le mensonge. Et on se demande, où est-ce qu'ils ont pris le mensonge? Mais ils l'ont pris avec toi. Hein? Tu l'appelles en lui faisant miroiter que tu vas lui donner quelque chose et en réalité tu lui donnes rien. Ben, c'est toi la cause. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قال لصبي تعال هاك تمرا ثم لم يعطي شيئا فهي كذبة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه il dit, celui qui dit un petit, viens, je vais te donner une date, et qui lui donne pas, et c'est un mensonge. Viens, je te donne. Hein? Il lui donne pas, c'est un mensonge. Et parmi les histoires qui sont rapportées concernant l'imam Bukhari, rahimahullah, quand il recueillit le hadith, on lui a désigné quelqu'un qui a un hadith, il est allé le voir, et cet homme avait pris le giron de son vêtement comme ça, et il faisait le bruit pour appeler sa bête, hein, pour qu'il revienne. Quand la bête est revenue, le Bukhari lui a dit, t'avais quelque chose à lui donner? Il lui a dit non. Il a dit, donc, tu es menteur. Je prends rien de toi. Il est parti. Il n'a rien pris de lui. Hein? À la bête. Regarde comment ils étaient. Rahimahumullah ta'ala. Hein? وهي تأتي بيننا على سبيل المزاح. الكذب هكذا هك تأتي على سبيل المزاح والمرح ونحو ذلك وتكتب عليك كذبة. بل أعظم من ذلك هي تكون من أعظم الأسباب التي تجعل ابنك يقع في الكذب فنتحاشى هذه الأمور ونبتعد عنها. Et donc ce genre d'acte, viens je te donne. Enfin, c'est pour s'amuser, les gens ils le font. Entre eux ils le font pour s'amuser. Hein? Et lui il fait pour s'amuser et il est écrit dans son manuscrit que c'est un mensonge. Plus grave que ça, c'est l'une des causes pour apprendre à l'enfant le mensonge. Et donc nous devons faire très attention à ceci et l'éviter, barakallahu fikum. C'est parmi les choses qui nous aident à l'éducation des enfants, c'est أيضا من الأمور المعينة على التربية أن نجنب أبناءنا كل أمر يفسد الخلق. نجنبهم سماع الأغاني الفاجرة، الأغاني الخليعة، رؤية المحرمات، رؤية النساء، رؤية الكاسيات العاريات، رؤية الأفلام الهابطة، رؤية المجلات المنحلة، هذه الأشياء، هذه الأشياء نجنب أبناءنا إياها. أما إذا كان الأب يحضر هذه الأشياء لابنه ويضعها بين يديه فإنها تكون بريدا وطريقا والعياذ بالله يؤدي به إلى الفاحشة وارتكاب المحرمات. فلهذا يجب على الأب أن يجنب ابنه كل أمر يوقعه فيما حرم الله، فيما يسخط الرب تبارك وتعالى، مثل سماع الأغاني أو رؤية الأفلام الخليعة أو الخبيثة أو قراءات المجلات المنحطة أو ما إلى ذلك. يجنب أبناءه هذه الأشياء ويبعدهم منها غاية البعد. Parmi les choses qui nous aident à l'éducation des enfants, comment faire dans ce genre de pays? Comment faire pour en sortir de ça? C'est que nous devons préserver nos enfants de toute chose qui va faire que leur comportement soit mauvais. On leur fasse éviter la musique, hein, les chansons, de voir tout ce qui est interdit. Comment faire? Des fois, tu es avec tes enfants, ta famille dans la voiture, et tu es arrêté par le feu rouge, et khlas, à droite, une nuit, de l'autre côté, un nuit, khlas. Hein? Regarde, jusqu'où, à tel point que ce genre d'image, il devient naturel. Et pourtant, nous devons attirer notre attention et l'attention de nos femmes et de nos enfants, que ceci est haram, qu'il faut éviter de les usiter par tous les moyens. Hein? Voir des films à la maison, ou avoir ramené à la maison des revues, des magazines, et les magazines de ce pays, qu'est-ce qu'il y a dedans? Obligatoire qu'on fasse éviter à nos enfants ceci. Hein? Qu'on fasse attention à tous ces prospectus qu'on trouve dans la boîte à l'air, de ne pas rentrer, il faut faire le tri. Hein? Ça devient normal. La maman regarde les offres, et dans les offres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du nu, il y a. Les enfants derrière elle, ils regardent aussi. Le père aussi est assis, il regarde. Où est-ce qu'on va? Hein? Comment tu peux lui interdire quoi que ce soit dans ces cas-là? Hein? Laboudakh al-Islam. Faire très attention qu'on rentre pas le mal à l'intérieur de la maison et qu'on le pose entre les mains de nos enfants. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Parce que tout ceci va avoir un mauvais impact sur l'éducation des enfants. Sur le fait que plus tard ils vont tomber dans la turpitude et dans le blâmable. C'est obligatoire qu'on évite à nos enfants, hein, les moyens qui vont les faire tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Hein? أيضا من الأمور المعينة على تربية الأولاد وتأديبهم وتقويمهم أن نختار لهم الجلساء ونتابع جلساءهم وننظر مع من يمشون ومن يصحبون ومن هم رفقاؤهم. وكما تقدم معنا فإن الإبن يتأثر بجلسائه كثيرا ويتأثر بخلطائه كثيرا، والمرء على دين خليله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيجب على الأب أن يتابع ابنه وينظر من هم خلطاؤه ومن هم رفقاؤه ومن يصحب. فإذا كان يصحب أهل الخير، أهل الاستقامة، أهل الطاعة، أهل البر، أهل الصلة، فليحمد الله تبارك وتعالى ويشجعهم على ذلك. وإذا كانوا يصحبون أناسا فجرا فسقا، أناس أهل معاصي، أهل فواحش، أهل منكرات، يحذر منهم ويحذرهم منهم أشد التحذير. فهذا من الأمور المعينة على التربية، وهي من واجب الآباء والأمهات. Et fait partie aussi des choses qui nous aident à l'éducation des enfants, qui sont une des obligations qui incombe aux parents, qu'on doit choisir à nos enfants, à nos filles, à nos garçons, leurs compagnons, leurs amis, et qu'on doit surveiller ça de très près, voir avec qui ils sont en compagnie de qui, c'est qui leurs camarades, c'est qui leurs amis. Il n'y a aucun doute que le compagnon a un impact, tant bien ou mal, sur son compagnon. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'être humain, il est sur la religion de son intime. Que quelqu'un parmi vous, il regarde qui est son intime, qui est son compagnon. Hein? Et obligatoire. Donc il est obligatoire au père de regarder, de surveiller de très près avec qui son fils. Hein? Il est en compagnie de qui? Hein? Il est avec qui? Si il est avec les gens du bien, khlas. Et les gens de la droiture, de l'obéissance aux parents, et ainsi de suite, khlas, qu'il fait des louanges à Allah et qu'il les encourage. Hein? Et qu'il fait des du'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve dans cette voie-là. Si maintenant il voit que ses enfants sont avec des pervers, avec des jeunes qui ont des mauvais comportements, avec des désobéissants, il doit les avertir d'un énorme avertissement. Et ça fait partie des choses qui nous aident à l'éducation de nos enfants. كذلك من الأمور المعينة على تربية الأولاد وهو في غاية الأهمية أن تنشئهم أخ الإسلام على محبة القرآن وتعتني بتعليمهم القرآن الكريم وتعتني بتحفيظهم كتاب الله تبارك وتعالى فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهذه مسألة يجب أن نعتني بها. Et parmi les choses qui nous aident dans l'éducation de nos enfants et qui fait partie des choses très importantes et cruciales à ce niveau-là, c'est que nous devons les éduquer à aimer la parole d'Allah, à aimer le Coran, et que nous devons donner une grande importance à ce qu'ils apprennent le Coran. Et nous devons leur donner une grande importance au fait qu'ils mémorisent le Coran. Et il a été rapporté dans le hadith authentique. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'enseignent. Hein? Et donc c'est un point que nous devons donner de l'importance. Et en priorité dans ce genre de pays, pour que nos enfants puissent avoir le Coran, il est évident qu'il faut s'occuper de la langue arabe. Hein? Et de l'enseignement de la langue arabe. Et de se donner les moyens, et leur donner les moyens pour qu'ils puissent acquérir et puissent mémoriser le Coran et l'apprendre. Hein? إذا كان مثلا في الحي لا يوجد حلقة لتحفيظ القرآن أو لتعليم اللغة العربية عليك وواجب عليك أن تهتم بهذا الأمر. واجب أن يتعاون الناس ويجاهدوا أنفسهم لكي يوجدوا حلقة يتعلم فيها الأبناء اللغة العربية في هذه البلاد ويتعلموا فيها كذلك القرآن. لابد داخل الإسلام مهما كلف الأمر لابد أن نجتهد في هذا الأمر. ها؟ لابد. فإن حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن وتطبيق القرآن هو أعظم الأمور الدافعة إلى الصلاح والمعينة على البر والتقوى والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا من الأمور المهمة المعينة على تربية الأولاد. لأن الله سبحانه وتعالى ici par exemple dans ton quartier il y a pas d'assises pour apprendre le Coran, il y a pas d'assises pour apprendre la langue arabe. Il est obligatoire que tu cherches d'autres avec toi, vous prodiguez les efforts nécessaires financiers et autres pour que vous puissiez faire exister un endroit ou un cercle d'enseignement pour la langue arabe pour les enfants et aussi pour la mémorisation du Coran pour ceux qui ont déjà la langue arabe. Obligé que tu te sacrifies à l'islam matériellement et tu sacrifies ton temps. Hein? Obligatoire. Car le fait de mémoriser le Coran, de le comprendre, de le mettre en application, il est une des causes qui pousse à être dans le bien et qui aide à être dans l'obéissance à Allah et dans le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et ceci est quelque chose de très important. Hein? Et nous devons nous atteler à ceci avant que le temps, avant que ce ne soit trop tard pour nos enfants. Frère, très attention à ça. Tu vois que certains gamins dans certains quartiers, ils ont 5 ans, 7 ans, 8 ans, ils ne connaissent pas l'alphabet arabe. Hein? Ils ne connaissent pas l'arabe. Les lacunes, ils sont où? Alors que quand ils regardent, des fois, les parents perdent de l'argent dans des futilités. Et des fois, le père, peut-être, combien de sorties il fait dans les snacks, ceci, cela, alors que s'il réduit ces sorties-là, il peut avoir les moyens pour avoir un prof pour ses enfants, si lui est incapable de le renseigner. Hein? C'est une situation qui est dangereuse, à l'islam. Il demande de nous des sacrifices. Hein? Tu t'entêtes à rester dans ce pays? Sacrifie. Hein? Fais le nécessaire pour accomplir ta responsabilité vis-à-vis de tes enfants. Et sache que tu vas nager contre le courant. Le courant descend et toi tu veux le monter. Hein? La boutaque à l'islam. ذلك من الأمور المهمة على تربية الأولاد أن تتفقد أولادك في المدرسة تذهب إلى المدرسة تسأل المدير تسأل المدرس ها تسأل عن حالة ولدك ها كذلك خاصة هذا الذي يعلمه القرآن ويعلمه العربية تذهب وتهتم بهذا الأمر العظيم. Hein? Il fait partie des choses qui nous aident à l'éducation des enfants, c'est que tu dois faire attention. Qu'est-ce qu'il fait ton fils dans l'école? Hein? Tu dois aller voir de très près qu'est-ce qu'il fait à l'école. Et surtout, c'est là, subhanahu wa ta'ala, t'a accompli d'être dans un endroit où l'enfant, où il y a un endroit pour apprendre l'arabe, pour apprendre le Coran, etc. Tu dois donner de l'importance à ceci. T'en occuper, tu sacrifies ton temps, à aller voir l'enseignant, à poser des questions, hein, sur la mémorisation du fils, sur, hein, l'accomplissement du devoir de la langue arabe et ainsi de suite. هذه جملة مما جمعه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى فيما يخص تأديب الأولاد وتربية الأولاد. Ça, c'est un ensemble de points que Cheikh Abdelrazzaq, l'Abbad, Hafidahullah, a réuni pour, concernant ce sujet qui est l'éducation des enfants. وإذا كنت كذلك أخ الإسلام معتنيا بهذا الأمر مهتما بهذا الأمر غاية الاهتمام أنت أول من يجني الثمار. إذا أدبت ابنك وعلمته وحذرته من العقوق ينشأ ابنك صالحا بارا بك قائما بواجبه محافظا على حقوقك. Et faisons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maintenant que tu donnes l'importance à ce sujet et que tu t'en occupes comme il se doit. Tu es le premier à cueillir les fruits de ton effort. Tu es le premier qui va en être réjoui dans ce bas monde. Si tu lui dis que ton enfant, tu lui enseignes le bien, tu l'orientes vers le bien, tu l'avertis contre le mal, contre la désobéissance, il va grandir en étant un enfant vertueux qui va s'acquitter de son devoir vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de toi, et qu'il va préserver tes droits. لأن الإسلام الذي ربيته عليه يعينه على ذلك ويدله عليه. Car l'islam sur lequel tu l'as éduqué l'oriente vers le fait de s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis d'Allah et de son devoir vis-à-vis de ses parents. Hein? فإن أدبت ابنك وربيته ونشأته على الإسلام نفعك حيا وميتا. Si tu éduques ton enfance, tu le fais grandir dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'être bénéfique dans ta vie et après ta mort. Et une fois que tu es mort. يَنْفَعُكَ بِحَيَاتِكَ بِحَيْتُ يَرْعَى حُقُوقَكَ وَيَحْذَرْ مِنْ عُقُوقِكَ وَيَقُومْ بِوَاجِبَاتِكَ وَيُؤَدِّيهَا كَمَا يَنْبَغِي. لأن الإسلام الذي ربيته عليه يأمره بذلك ويحثه على ذلك. Donc il te sera bénéfique dans ta vie, il va préserver tes droits, il ne va pas te désobéir, il va s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de toi, il va les accomplir comme il se doit, car l'islam sur lequel tu l'as éduqué lui fait obligatoire qu'il doit agir ainsi. Il incite à être ainsi. وَيَحْفَظُكَ مَيْتًا عندما تموت تجده يدعو لك ويستغفر لك ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمك ويغفر لك. Et quand tu meurs, il te préserve aussi en étant mort. Trouve qu'il te fait des dua. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te couvrir de ses saintes miséricordes. Et s'il est vertueux dans la société, les gens disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde les parents de ce garçon. Hein? Donc il te sera bénéfique dans ton monde et dans le delà. Une fois que tu es mort. Qala alayhi salatu wassalam fi al-hadith as-sahih idha mata ibn adam qata'a 'amaluhu illa min talal sadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a confirmé. Quand le descendant d'Adam meurt, ses œuvres sont arrêtées, khlas. Sauf s'il a accompli une sadaqa courante, c'est-à-dire il a contribué à la construction d'une mosquée, d'une école en enseignant le Coran, ou il a creusé un puits, bah ça va tourner les hasanat encore. Ou alors il a laissé une science bénéfique derrière lui, de laquelle les gens profitent. Ou alors, il a laissé derrière lui un enfant vertueux qui lui fait du'a. فَإِذَا رَبَّيْتَ ابْنَكَ عَلَى الصَّلَاحِ وَعَلَى الْإِسْتِقَامَةِ وَعَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ يَرْعَى حُقُوقَكَ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَيَدْعُو اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكَ إِذَا عَلَّمْتَهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et quand il l'aura éduqué ton fils sur la religion, sur le fait d'être droit dans sa religion, sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver tes droits même après ta mort. Il va te faire des du'as quand tu lui auras enseigné ce verset. Ah, et tu lui as fait comprendre ce verset, dont sa traduction approximative dit ceci: Allah a fait obligatoire, hein, que le culte lui soit réservé uniquement, et que il faut être bon avec les parents, qu'il ne faut pas les brusquer, ni de leur dire, et tout simplement leur dire des paroles respectueuses, et même pas de leur dire ouf. Hein? Et que tu dois être doux avec eux et humble avec eux, et que tu dois leur faire dua, ou Allah, comblé de ta sainte miséricorde. Hein? Comme ils m'ont éduqué en étant petit. إِذَا عَلَّمْتَهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَدَّبْتَهُ عَلَيْهَا مِنَ الصِّغَرِ يَنْشَأُ عَلَى ذَلِكَ. Si tu enseignes à ton fils ce verset, tu l'éduques avec ce verset depuis qu'il est petit, ben il grandira avec. أَمَّا إِذَا مَا عَلَّمْتَهُ هَذَا يَنْشَأُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. فإذا علمته البر والصلة من الصغر نشأ على البر والصلة إذا كبر. Donc, ici tu lui dis que sur autre chose, qui est en divergence avec les enseignements du Coran, ben il va être autre chose. Hein? Mais si tu lui dis que, au fait d'entretenir la relation familiale depuis qu'il est petit, d'obéir à Allah, et ainsi de suite, ben en grandissant, il va tout respecter tout ce cela. ولهذا يقولون فيما يذكر أن أحد الآباء عاتب ابنه كبيرا قال يا بني لم تعقني قال عققتني صغيرا فأعقك كبيرا. Ça, on rapporte hein, que certains pères un jour ont reproché à leurs fils pourquoi ils sont mauvais avec eux, pourquoi ils leur désobéissent. Et il a répondu à son père, tu n'as pas été un bon père pour moi quand j'étais petit, maintenant je te désobéis. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne lui a pas donné une bonne éducation. Il ne lui a pas donné l'éducation qui découle de ce verset qui est dans Sourate l'Isra. Hein? Et encore, combien même si les parents ont été négligents, que nous ne devons pas être de même si on est des réels soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on respecte les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on accomplit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. فإذا كان الأب أهمل ابنه في الصغر ولم يرعاه ولم يؤدب ابنه في الصغر الابن لا يرعى في الغالب والده في الكبر إلا إذا هداه الله تبارك وتعالى بسببين. ولهذا يقول بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله إن الآباء يوم القيامة يسألون عن حقوق الأبناء قبل الأبناء. الأب يوم القيامة يسأل عن أبنائه وعن حقوقهم قبل أن يسأل الأبناء عن أبائهم. لماذا؟ لأنه كما أن الله تبارك وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالده إحسانا أيضا في الوقت نفسه قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن si maintenant le père était négligent, il n'a pas donné une bonne éducation à son fils alors qu'il était petit, il ne l'a pas éduqué comme il se doit, et donc le fils, une fois grand, ne va pas préserver les droits de son père, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le guide par une cause. Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce jeune, il est guidé. C'est pour ça que les hommes de science comme Ibn al-Qayyim et d'autres disent le jour de la résurrection, les parents seront questionnés sur les droits de leurs enfants avant que les questions soient posées aux enfants. Les parents seront questionnés sur les droits de leurs enfants avant que les enfants soient questionnés sur les droits de leurs parents. Le jour de la résurrection, il te sera posé des questions sur tes enfants avant, hein, que les questions soient posées à ton fils. Pourquoi? Parce qu'en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété, hein, dans cette traduction approximative du verset, nous avons ordonné à l'être humain d'être bon et d'être bienfaisant avec les parents, en même temps il a dit, ou vous qui avez cru, évitez à vous-même ainsi qu'à votre famille le feu de l'enfer. Hein? Il a ordonné d'un côté d'être bien avec les parents et en même temps il a ordonné aussi aux parents de quoi? De préserver leurs enfants et leurs familles et ceux et tous ceux qui sont sous leur responsabilité du feu de l'enfer. فكما أنه أمر الأبناء بالإحسان الآباء فإنه أيضا أمر الآباء بتربية الأبناء وتأديبهم ووقايتهم من النار فأنت مسؤول عن الأبناء يوم القيامة. ولهذا تقدم معنا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أدب ولدك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. يقال لك يوم القيامة ماذا علمته؟ ماذا أدبته؟ وهو يسأل عن برك وطاعتك. الابن يسأل يوم القيامة عن بر الأب وعن طاعة الأب، والأب أيضا يسأل يوم القيامة عن تربية الابن وتعليم الابن وتأديبه. فخيرنا الله سبحانه وتعالى كم il est ordonné aux enfants d'être bienfaisants et d'être bons avec les parents. Il est ordonné aux parents de prodiguer une bonne éducation aux enfants et de leur faire éviter le feu de l'enfer. Donc, des questions, on sera questionné sur nos enfants le jour de la résurrection. Et nous avons vu la parole d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu arda, éduque ton fils, car tu seras questionné sur ton fils le jour de la résurrection. Il te sera posé la question suivante. Qu'est-ce que tu lui as appris? Quelle éducation tu lui as donnée? Hein? Et ton enfant sera questionné aussi sur son devoir vis-à-vis de toi. Est-ce qu'il t'a obéi dans l'obéissance à Allah? Les deux, les questions leur seront posées. L'enfant, des questions sur les droits de ses parents lui seront posées. Hein? Et aussi, les parents, ils doivent répondre aux questions sur l'éducation des enfants. Comment ils les ont éduqués? Quelle éducation ils leur ont donnée? Et nous devons faire très attention à ceci en étant dans les pays de mécréance, à l'islam. فهذه مسؤولية عظيمة أخ الإسلام وأمانة كبيرة يجب علينا أن نرعاها حق رعايتها وأن نهتم بها غاية الاهتمام وأهل العلم كتبوا في هذه المسألة ووضحوها وألفوا فيها المؤلفات الكثيرة et فإن الله سبحانه وتعالى ça c'est une énorme responsabilité un sujet crucial auquel nous devons donner l'importance hein Nous devons nous en occuper, l'éducation des enfants, comme il se doit. Les hommes de science ont écrit beaucoup de livres concernant l'éducation des enfants. Il dit le Cheikh Al-Abbad, Abdul Razzaq, wa ana ansahakum bi kitabin wahid, yanbaghi an yuqra, wa an yu'tana bih, hada al-kitab, raghma annahu saghir, فيه كل ما يتعلق بتعليم الأبناء وتأديبهم وتربيتهم من حين يكون طفل ثم مسألة العقيقة مسألة تميمة كل المسائل المتعلقة بالابن لان يكبر et il dit حفظه الله تعالى شيخ عبد المحسن العباد à la fin de cette conférence et moi je vous conseille un seul livre il est petit dans les pages mais il est énorme Il y a beaucoup de leçons à retenir, dont l'éducation en ce qui concerne l'éducation des enfants et l'enseignement à prodiguer aux enfants. Et depuis qu'il sort du ventre de sa mère, que ce soit les choses qui ont rapport avec sa haqiqa et ainsi de suite. Tout ce qui concerne l'enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse. Al-Qayyim rahimahullah, lahu kitab, ismuhu Tuhfatul Wadud, fi ahkam al-mawlud. وهذا الكتاب من أنفس ما يكون في مسألة تربية الأولاد ورعايتهم حتى في المسائل التي تتعلق بتربيتهم صحية ذكر أشياء عجيبة نحتاج إليها في تربية الأبناء صحيا وجسميا وذكر أمورا عجيبة في تربية الأبناء روحيا ودينيا فهذا الكتاب يقول الشيخ عبد الرزاق أنا أنصح باقتنائه وقراءته والاستفادة منه إذن ابن القيم رحمه الله إلى السليف كي تحفة الودود في أحكام المولود et c'est l'un des plus nobles livres un livre très riche qui a été considéré qui a été écrit en ce qui concerne l'éducation des enfants et tout simplement il ne s'est pas occupé tout simplement du côté de l'éducation à leur donner, même au niveau de l'éducation, au niveau de leur corps. Comment il faut entretenir leur corps, au niveau de leur santé. Il a cité des choses extraordinaires qui concernent l'éducation des enfants au niveau de leur santé et l'éducation de leur corps. Et il a cité des choses qui sont extraordinaires concernant l'éducation spirituelle et l'éducation religieuse à donner aux enfants. Et Cheikh Abdel Zahir, il dit, moi je conseille aux gens de lire ce livre. Et de l'avoir, et de s'appuyer dessus pour l'éducation des enfants. يقول رحمه الله وحفظه وختاما أؤكد أيها الإخوة على أن هذه المسألة التي نتحدث عنها وتحدثنا عنها مسألة كبيرة ينبغي أن نوليها الاهتمام الكبير وأن نعطيها عناية فائقة وقد قال أهل العلم إن عامة أو أكثر فساد الأبناء سببه الآباء إهمالهم وتفريطهم فينبغي يا إخوان أن نهتم بهذه المسؤولية وأن نعنى بهذا الواجب حتى نحظى ونسعد بأمور كثيرة في الدنيا والآخرة منها بأبنائنا لنا ودعاؤهم لنا بعد الوفاة ثم الأجر العظيم والتواب الجزيل من الرحمن الكريم تبارك وتعالى j'insiste sur l'importance de ce sujet qu'elle nous avons parlé. Il a dit, c'est un énorme sujet, un sujet très important, auquel il faut donner une grande importance. Il dit que les hommes de science disent que la majorité du mal qui atteint les enfants, sa cause, ce sont les parents. La majorité du mal qui atteint les enfants, sa cause, c'est la négligence des parents. Les parents ne se sont pas acquittés de leurs devoirs. Donc il dit, il est obligatoire pour nous de prendre cette responsabilité en considération pour que nous puissions acquérir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, pour que nos enfants puissent être la joie de nos yeux et pour qu'ils soient, ils ne soient obéissants dans ce bas monde durant notre vie et qu'ils nous fassent des dua après notre mort et pour acquérir cette énorme récompense qui est le fait d'avoir éduqué comme il se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé, les enfants. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الشيخ جزيل الثواب على هذه المحاضرة وأسأله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد فهذا إن شاء الله مجلسنا التالي حول هذا الموضوع الخطير جدا ونحن في هذه البلاد ألا هو موضوع تربية الأبناء Et c'est notre deuxième assise autour de ce sujet très important qui est le fait d'éducation des enfants alors qu'on est né dans ce genre de pays, ce pays que dont la religion n'est pas la religion de l'islam. فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين وضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث كما مر اشتمل على ثلاث آداب ينبغي أن نقوم بها مع الأبناء. Donc dans le hadith qui est rapporté dans le musnad, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans et corrigez-les de leur donner l'heure des correction à l'âge de 10 ans et séparez-les là où ils vont dormir, c'est-à-dire à partir de 10 ans on ne les laisse plus dormir ensemble sous la même couverture, on les sépare. Le hadith contient trois comportements que nous devons prodiguer, qu'il est obligatoire pour nous de prodiguer à nos enfants. Awalan أمرهم بالصلاة إذا كان عمر الواحد منهم سبع سنوات يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر الولد بالصلاة يحتاج أن تصبر وتصطبر ولا تتضجر ولا تمل وتجاهد نفسك على هذا الأمر. Et donc le premier des comportements à retenir dans ce hadith, c'est le fait d'ordonner aux enfants la prière à l'âge de 7 ans. Dans le verset cité ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager alayhi salatu wasalam, la traduction approximative du verset dit ceci: ordonne au tien, à ta famille, la prière, patiente et endure là-dessus. Endure sur le fait de leur ordonner la prière. On ne te demande pas de subsistance. Nous, on te donne ta subsistance, ainsi qu'à eux. Et la bonne fin, elle est pour qui? Pour ceux qui préservent, les droits d'Allah, pour taqwa. Et taqwa, c'est le fait de préserver les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Donc, le fait d'ordonner à l'enfant la prière a besoin de nous, de patience et d'endurance. Pas tout simplement tu patientes, tu t'imposes un degré plus dans la patience. Fastaber. Hein? Et que tu te lasses pas, tu désespères pas, tu te fatigues pas, tu fais des efforts sur toi-même dans cette situation. Hein? Obligé que tu fasses des efforts, c'est ta responsabilité. Et si tu ne patientes pas en accomplissant ta responsabilité, qui va le faire à ta place? Hein? Il est évident que l'institutrice, elle, va demander au gamin, on te réveille à 5h du matin? Qu'est-ce que tu fais quand on te réveille à 5h du matin pour lui remplir le dossier? Hein? Remarque après remarque jusqu'à ce que le dossier il déborde. Donc cela implique, tu dois patienter, tu dois être très intelligent dans ton éducation à ton enfant. Si tu persistes à rester ici. Sinon, tu risques de les perdre. Et la responsabilité est énorme devant Allah. Hein? Faut pas se leurrer, hein? Faut qu'on regarde nos problèmes en face pour pouvoir leur trouver une solution, remédier à une lacune. Hein? Pas tout simplement aller, on y va, la vie est belle, il y a du confort, il y a, etc. Oui. Et l'essentiel, hein, obligé à l'islam. Alors notre responsabilité, personne ne va la remplir. Chacun est devant sa responsabilité. Hein, et chacun va rendre des comptes à Allah, tout seul, avec son livre et qu'est-ce qu'il contient. Comme œuvre, il s'est acquitté de ses responsabilités ou pas. Hein? Et donc, بعض الآباء قد يأمر ابنه بالصلاة مرة مرتين ثلاث ثم يرى أن ابنه يتكاسل فيترك ابنه كليا بل بعضهم والعياذ بالله يرتقي بهم الحال إلى أن يقول الله يجعلك لا تصلي قاع فيدعو على ابنه وهذا من الأخطاء الفادحة العظيمة يجب أن تصبر ولا تدعو على ابنك يقول سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا le fait d'ordonner aux enfants la prière et surtout dans ce genre de pays, a besoin de nous, plus qu'ailleurs, hein, dans les pays qui ne sont pas les pays de l'islam, a besoin encore plus de nous. Donc si dans les pays de l'islam, tu dois patienter et endurer, ici le double d'effort dans la patience. Et que tu ne te lasses pas, tu ne te fatigues pas, tu n'arrêtes pas ton effort. Hein? Certains parents vont ordonner à l'enfant une fois, deux fois, prier trois fois, quatre fois. Et après, ils baissent les bras, complètement. Certains que Allah nous en préserve, la situation va arriver jusqu'à ce qu'il fasse dua sur son fils, qu'il prie jamais, il lui fait un dua. Hein? Que Allah fasse que tu ne pries jamais. Hein? Et ceci, très mauvais, très dangereux. Pas, il faut patienter. Tu ne fais pas des dua contre l'enfant. Abedan, tu patientes, tu endures. Hein, tu t'acquittes de ton devoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dont le verset cité ici dans sa traduction approximative, et l'être humain, il fait du dua avec le mal, au lieu de demander le bien. Il demande le mal, et l'être humain, il est pressé, comme il est dit dans le verset. هذا من العجلة أن يدعو الإنسان على أولاده والعجلة من الشيطان والأناة من الرحمن فلا تعجل تأنى واصبر وتروى وعليك بالحلم مع أبنائك وتأخذهم بالأناة تدعوهم إلى الصلاة إلى المسجد ها et donc le fait de faire le dua contre ton fils, ceci fait partie du fait d'être pressé. Le fait d'être pressé, c'est l'une des caractéristiques du shaitan. Hein? Et le fait d'aller doucement, de faire les choses comme il se doit, ça découle, hein, des caractéristiques du clément, subhanahu wa ta'ala, de mettre les choses à leur place, de ne pas être pressé. Hein? Donc il est obligatoire que tu patientes, que tu endures, hein? Et que tu sois doué de raison avec tes enfants, et tu les prends de la meilleure des façons, et tu leur fais des doigts, non pas tu fais des doigts contre eux, et tu les appelles en les appelant à la mosquée, en les appelant à mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois, hein, doubler d'efforts, de raison, et de prendre l'environnement dans lequel tu es, qui ne t'aide pas. Quand on est dans les pays de mécréance, notre image est comme celui qui nage contre le courant. Tu vois, c'est le fleuve, il descend, et toi, tu veux remonter le fleuve en nageant. Il faut vraiment que tu sois costaud, hein. Il faut vraiment que tu sois costaud pour le faire. Ah, donc, c'est ça notre situation. Tu nages contre le courant. Quand tu appelles tes enfants à la pudeur, les autres, ils les appellent à la débauche et au libertinage. Quand tu appelles tes enfants à écouter la parole d'Allah et la sunna du prophète, les autres, ils les appellent, hein, au rap, ils les appellent à, au libertinage, ils les appellent, hein. Donc, tu dois faire des dua, prendre la situation en considération et doubler d'efforts et savoir mettre les choses à la place, hein, pour ne pas casser la situation complètement. La cassure de la situation dans ce genre de pays, c'est quoi? L'ADAS récupère les enfants. Hein? Et ceci est une situation très dangereuse. Hein? Et regardez combien de familles. Hein? J'ai pas besoin de vous citer des exemples. Vous en connaissez plus que moi. Hein? فلا بد فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. المسألة تحتاج إلى صبر وعدم ملل وعدم ضجر، فتصبر على هذا الأمر. يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ها هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان ماذا؟ يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمر أهله بالصلاة. ها فالأمر بالصلاة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يأمرون أبناءهم بالصلاة ويصبرون على أمرهم بالصلاة، فينبغي أن نتأسى بهم ونقتدي بهم ونسير على نهجهم حتى نحشر يوم القيامة في زمرتهم. ها et donc regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à notre messager alayhi salatu wasalam dans cette traduction approximative du sens du verset. Ordonne à ceux qui sont sous ta responsabilité la prière, ils doublent. Pas tout simplement patience, un degré de plus que la patience. Wastaber. C'est pas tout simplement esber. Quelque chose de plus. Hein? Donc la situation a besoin de notre part de patience et de ne pas se lasser, de ne pas lâcher les bras. Nous devons patienter et qu'on se rappelle ce qui est dit dans le Coran. Dans cette traduction approximative du sens du verset cité ici, et évoque dans le livre, rappelle-toi qui est dans le livre, l'histoire de qui? D'Ismaël alayhi salam, qui était véridique dans sa promesse, et qui était messager prophète, et il ordonnait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé chez son souverain, subhanahu wa ta'ala. C'est un messager, prophète, il ordonnait à sa famille la prière, la zakat. Donc là, le fait d'ordonner à nos familles la prière, c'est l'une des voies du prophète, alayhi salatu wassalam. Les prophètes ordonnaient à leur descendance la prière. Et ils patientaient en ordonnant alors en ordonnant à leur descendance la prière. Et il nous est demandé de suivre leur voie et de les prendre comme modèle à l'islam, pour qu'on soit avec eux le jour de la résurrection. On soit avec eux le jour de la résurrection. Donc obligé à l'islam. Fa na'tani bihad al-amr. أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغ الابن سبع سنوات نأمره بالصلاة صل يا فلان عليك بالصلاة الصلاة فريضة الصلاة واجب ترك الصلاة كفر نعلمه هذه الأشياء ونلقنه هذه الأمور بسبع سنوات لسبع سنوات فإذا كان كسولا يميل إلى اللعب وبلغ عشر سنوات وهو لا يصلي أو يترك الصلاة إذا ترك الصلاة ضرب وأدب عليها بحيث يتنبه ويعرف أن الأمر خطير جدا وليس بالسهل العين ضرب تأديب لا ضرب إهلاك وتشفي وانتقام نؤدبه بالضرب ضربا بحيث يتأدب ويتقوم ويتجه إلى المسجد ونتابعه فهذا أدب ثاني واضربوهم عليها لعشر إذا بلغ العشر سنوات et nous devons prendre et donner l'importance à ce point qui est le fait d'ordonner aux enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans hein prie et avant tu lui enseignes les rites de purification. Tu es derrière lui, qu'il les accomplisse comme il se doit. Tu t'assures aussi de ses vêtements qui sont propres. Hein? Tu attires son attention sur la propreté de ses vêtements. Hein? Etc. Sur le fait de bien se nettoyer ses parties intimes. Et quand tu le ramènes à la mosquée, il faut que tu t'assures que ton enfant, il est sur le dos. À 7 ans, tu es obligé. Comme il a dit Cheikh Mohamed Amal Jami, tu ramènes un enfant. Et s'il a une des conditions qui lui manque de la purification, et tu le mets au milieu du rond, t'as coupé le rond. Hein? Et celui qui coupe le rond, c'est quoi? Son avertissement? Il est coupé de la clémence d'Allah. Man qata'a saffan qata'a Allah. Allah le coupe de sa clémence. Donc c'est pas tout simplement khlas, à 7 ans, il a appris. Tu lui dis que tu lui apprennes comment faire le dos, comment se purifier les parties intimes, et ainsi de suite, comment il doit regarder ses vêtements, et ainsi de suite. Tu lui dis que sur ce comportement, cette noblesse de comportement, de purification, de propreté. Hein? La mouddakh à l'islam. C'est pas tout simplement prie. Prie, c'est l'ordre. Et tout ce qui décolle comme éducation doit aller avec. Hein? Et tu lui apprends que la prière c'est une obligation. Et qu'il est obligatoire de prier. Que le fait de délaisser la prière c'est de la mécréance. Hein? Tu lui apprends tout ce genre à 7 ans. Tu lui apprends ces choses. Et si maintenant il est paresseux, il penche vers le jeu. Hein? Et il ne prie pas, et il est arrivé à l'âge de 10 ans. Il faut que tu le corriges. Donne des corrections. Mais, parce que la situation, pour qu'il fasse attention que la situation est très dangereuse, n'est pas aussi facile que ça. Mais quand tu le corriges, c'est pas se venger de lui. C'est pas lui casser un bras. C'est pas lui faire l'œil au bord noir. Abadan. C'est pas ça. T'as pas le droit de le toucher au visage. Hein? T'as pas le droit de se venger sur lui. Il faut que ta correction, dans ta correction, il sent que tu as de la clémence pour lui. Et non pas que tu es en train de te venger de lui. Hein? Il faut que tu sens que dans ta correction, tu lui veux le bien. Et comme tu es dans ce pays-là dans lequel il y a les téléphones verts, et j'en sais quoi pour les enfants, il faut faire très attention. Un œil bord noir, qu'est-ce que ça va te coûter après? Hein? Donc, nous devons faire très attention à être vigilants à l'islam. Rasulullah nous a orientés vers le fait de les corriger et de leur donner une correction à l'âge de 10 ans quand ils ne font pas la prière. Mais il faut que la correction soit conforme à la sunna. Hein? Ce n'est pas de la barbarie. Hein? Et à s'acharner sur l'enfant. Abadan akhal islam. La correction doit être, l'enfant doit sentir que c'est une clémence pour lui, que c'est une correction de quelqu'un qui lui veut son bien, et non pas de quelqu'un qui est en train de se venger sur lui. Hein? Parce que certains ne font pas la différence. Et malheureusement, ils arrivent à des fins qui ne sont pas louables, surtout dans ce genre de pays. Hein? Et parmi les histoires qui sont arrivées, que certains des hommes de science racontent, c'est qu'un homme a frappé son fils, mais d'une façon horrible sur ses mains, à tel point que sa main ne bouge plus. Ça y est, ikhlas, le sang n'y passe plus. Et quand il l'a ramené à l'hôpital, les médecins étaient obligés de la couper. Quand l'enfant s'est réveillé après, il disait à son père, « Quand est-ce que tu remettras ma main ?» Qu'est-ce qu'il va lui remettre? Il faut faire très attention aussi. Hein? Des fois, la colère, l'inconscience, la personne sort de lui-même en colère et il commence à faire n'importe quoi. Là, à l'islam, tu es obligé d'être conditionné, d'être raisonnable, de savoir ce que tu fais. Hein? C'est une responsabilité. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إذا بغلغ عشر سنوات وقارب سن الاحتلام تنبه لهذه المسألة تفرق بينهم في المضاجع ما أجعلهم ينامون في فراش واحد أو متقاربين لأن هذا يجر إلى ما وراءه والعياذ بالله فلهذا يعودون على مثل هذه الآداب وعلى هذه القيم يعود من صغره على البعد عن الفاحشة والوقوع في الرذيلة وفرقوا بينهم في المضاجع يعني لا ينامون في فراش واحد وفي لحاف واحد وإنما يفرق بينهم لأن نومهم في فراش واحد وتحت لحاف واحد قد يجر إلى مصائب عظيمة وأخطار جسيمة لا تحمد عقبا مثل والعياذ بالله الزنا أو اللواط أو غير ذلك من الفواحش التي قد تنتشر في بعض التي هي منتشرة في بعض الأماكن. Et donc, le troisième comportement, c'est le fait de les séparer dans les places où ils dorment à partir de l'âge de 10 ans, avant qu'ils arrivent à l'âge de puberté. Tu fais attention à ce point-là, de les séparer, qu'ils ne dorment plus dans le même lit, ils ne dorment plus sur la même couverture. Khlas. Même s'ils sont dans la même pièce, mais chacun sa place, séparé de l'autre. Parce que le fait d'être collé les uns aux autres, ça peut amener à quelque chose qui n'est pas louable. C'est pour ça qu'il est obligatoire de les habituer à cette noblesse de comportement. On les habitue, dit, à bas âge, de s'éloigner de la turpitude et du blâmable. Le fait de ne pas tomber dans des actes que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, séparez-les. Donc, on oublie alors du prophète alayhi wa sallam. S'il l'a dit, c'est qu'il en découle un mal si on ne le fait pas. Chaque fois qu'on transgresse les lois d'Allah, on tombe. Chaque fois qu'on transgresse la sunna du messager alayhi wa sallam, c'est le contraire qui nous arrive. Hein? Hada, c'est une réalité à l'islam. S'il a dit séparer, sépare. Cherche pas à comprendre. Hein? Même si tu connais pas le but. Et la sagesse de l'ordre, tu le mets en application. Tu es insoumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tard, inshallah, tu connaîtras le but et la sagesse de l'ordre. Et là, ce sera un bien qui se rajoute à ton bien dans lequel tu es déjà le fait d'avoir mis en application ce qui t'a été demandé. Hein? Donc, à bas âge, on les habitue à la noblesse du comportement, à ce qu'ils fassent attention à la turpitude et au blâmable, parce que ceci peut entraîner vers des actes qui ne sont pas louables. hein, l'homosexualité, l'adultère, et ainsi de suite. Hein? Ces genres d'actes qui sont propagés dans ce genre de pays. On regarde dans ce genre de pays. Hein? Je vois que maintenant, gars, c'est même plus. La limite de la débauche a été dépassée. Et la limite du déraisonnement est dépassée. Le gamin, maintenant, lui inculque en quoi? Pas grave. J'ai deux pères. J'ai deux mères. Hein, subhanallah. La nature d'Allah veut qu'il y ait un homme et une femme. Là, non. C'est le changement de la fitra. Complètement. Le changement de la fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains. Wa min a'zami أسباب ذلك إهمال التربية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ها انظر انت regarde maintenant le comportement vers lequel nous orientons Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette traduction approximative de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Ou vous qui avez cru, que ceux parmi vos enfants, parmi vous, hein, vos servantes, hein, et ceux qui sont à votre service, hein, parmi vos esclaves et ainsi de suite, qui ne sont pas, qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, qu'ils demandent l'autorisation de rentrer là où vous êtes à trois moments précis. Hein, avant la prière d'Al Fajr. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, l'homme, dans son intimité, il est déshabillé. Hein? Il, quand il se réveille pour Salat al-Fajr, à ce moment-là, il va s'habiller. Donc, une aura. Et quand vous enlevez vos vêtements, au moment où vous allez faire votre sieste, là aussi, il doit frapper avant de rentrer et demander l'autorisation. La troisième, c'est après Salat al-Isha, parce que la personne va rentrer pour dormir. Ce sont trois moments. Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à enseigner ceci à ceux qui ne sont pas pubères parmi nos enfants ou parmi ceux qui sont à notre service. Et en dehors de ça, ce n'est pas un problème parce que ce n'est pas des moments où la personne va être, où sa aura va être, hein, où il va être nu ou quoi que ce soit. Hein. Donc ça, c'est une éducation que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a à s'éduquer sur la pudeur. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قبل صلاة الفجر. إذا أراد أن يدخل عليك الطفل الذي لم يبلغ الحلم لا بد أن يستأذن. وحين تضع ثيابك من الظهيرة وبعد صلاة العشاء وقت الراحة وقت النوم وقت التجرد من اللباس لا بد أن يستأذن قبل أن يدخل الغرفة التي أنت فيها. لماذا؟ حتى لا يرى العورات. كل أمر يدعو إلى الفاحشة يؤدي إلى الرذيلة يوصل إلى المنكر جاء سده في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Et donc, le verset nous oriente vers des comportements que ceux parmi ceux qui sont sous votre tutelle, sous votre pouvoir, parmi vos enfants ou autres, qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, qu'à trois moments précis, ils doivent demander l'autorisation avant de rentrer dans votre chambre. Avant Salat al-Fajr, si l'enfant veut venir, alors qu'il n'est pas pubère, il faut qu'il demande. Au moment où vous avez enlevé vos vêtements pour faire votre sieste, la même chose, il doit demander. Après Salat al-Isha, c'est le moment de repos, la personne va se déshabiller, va rentrer dans son lit. Hein? Il doit demander. Hein? Tout ceci, car le fait de regarder les parties intimes des grands, ceci appelle à la perversité, à la débauche, au libertinage. Et t'as à voir comment tu es dans un pays et dans une région. Hein? Regarde leurs enfants comment ils sont. Surtout l'été maintenant. Hein? Classe. Le père, il regarde l'intimité de sa fille. Hein? Le frère, celle de sa sœur. C'est pas un problème, classe. Parce qu'après la mécréance, il n'y a plus de limite à l'islam. La ligne rouge est dépassée. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi. Il faut, on dit, je vais envoyer ma fille ou mon garçon à la classe verte, ou en classe de neige. Ah, qu'est-ce que ça va être? Tu es là, là-bas? Qu'est-ce que ça va être au moment des douches collectives? Ah, il faut faire très attention. Là, dès que tu bouges dans ce pays, tu es en danger. Hein? Comment tu bouges? Tu tombes. Tu reçois une droite d'un côté ou là une gauche de l'autre côté. Hein? Un coup qui va te mettre KO. Hein? Et obligé qu'on fasse attention à l'islam. هذه الأمور يجب أن ننتبه لها عندما نربي الأولاد ننتبه لها ونرعاها حق رعايتها مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع نفرق بينهم في المضاجع ونفرق بينهم وبين قرناء السوء وخلطاء الفساد وهذه مسألة مهمة. Hein? Ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention quand on éduque nos enfants. Nous devons prendre en considération l'ordre du prophète alayhi salam. Ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Donnez-leur la correction quand ils ne la font pas à partir de 10 ans. Séparez-les à partir de 10 ans. Séparez leur place où ils se couchent et qu'ils ne soient pas sous la même couverture. Et dans le même matelas. Donc, on les sépare. Et on les sépare aussi entre eux, les mauvais compagnons, les compagnons du mal. Hein? Il faut faire très attention à ça aussi. Sans trahirer, il va rencontrer qui? C'est pas le sans trahirer, c'est le sans trahiré. Hein? Il va rencontrer qui? Il va être avec qui? Khalas à l'islam. Et ça, c'est un sujet très important à l'islam, parce qu'il en va de ta responsabilité devant Allah. Fais très attention à ça à l'islam. Hein? Nous devons tous faire attention à ça. Idha intabahat li ibni yadhhab ila Zayd ou Amr min al-ma'rufin bil fasad. Ab'idhu anhu wa jannibhu iyya. Lian khaltatahu له ومشيه معه يؤدي إلى فساده وانحرافه والمرء يتأثر بجليسه وقرينه وكم من شاب وكم من صغير انحرف والعياذ بالله ووقع في الفواحش والرذائل والمخدرات والبعد عن طاعة الله والسبب في ذلك قرناء السوء وخلطاء الفساد وإهمال الوالد مع ذلك فالأب ينتبه ويتابع ابنه مع من تمشي ومن تصاحب من تخالط من هم رفقاؤك ينتبه إذا كان فيهم إنسانا فاحشا فاسدا خبيثا ها صاحب فواحش صاحب رذائل غير قائم بأمر الله تبارك وتعالى يحذره منه أشد التحذير وينهاه عنه أشد النهي هذه مسؤوليتك أخ الإسلام كنت le père fait observe que son fils et tout d'un coup il se rend compte que son fils il est avec tel ou tel qui ne sont pas bons dans leur comportement qui sont connus pour leur mauvais comportement. Et il doit lui interdire d'être avec. Il l'éloigne de cette mauvaise personne. Parce que le fait de le laisser avec, ou sa compagnie, le fils il va dévier, il va tomber dans le mal. Il n'y a aucun doute que l'être humain il est influencé par son compagnon, en bien ou en mal. Hein? Combien de jeunes et combien de jeunes garçons ont dévié, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, ils sont tombés dans la turpitude, dans le blâmable, dans la drogue, dans la vente de la drogue, dans les vols. Ils se sont éloignés de l'obéissance à Allah et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de quoi? Des mauvais compagnons. Et à cause que les parents sont négligents, ils ne vérifient pas, ils ne regardent pas avec qui leurs enfants sont, en compagnie de qui sont leurs enfants. Il est obligatoire que tu te poses des questions, que tu cherches de loin ou de près avec qui tu es, avec qui tu joues, tu vas avec qui, qui sont. Et tu dois faire attention. Et quand la personne est de mauvais comportement, tu éloignes ton fils de lui. Hein? Et quand la personne de sert quoi, ne donne pas ni d'importance à la prière, ni aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus. Hein? C'est ta responsabilité, akhi l'islam. Alors la responsabilité, c'est pas tout simplement remplir les chariots et acheter les jeux dont a envie l'enfant. Et encore même dans les jeux, tu dois faire très attention à ce que tu lui donnes que des jeux qui sont conformes à ta religion. Hein? Parce que si tu veux le récompenser par des jeux ou autres, hein, ce n'est pas un problème, mais tu fasses très attention que ces jeux soient conformes à ta religion et que ces jeux dedans, il n'y a pas l'enseignement de la mauvaise aqida. Hein? Ou dans lequel sont dénigrés les principes et les nobles comportements de la législation musulmane. Et combien que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, de jeux sont ainsi, dans lequel on fait la suprématie et l'éloge de la mécréance et de la débauche et du libertinage. فلا بد داخل الإسلام فهذه مسألة مهمة. يقول السلف رضوان الله عليهم ليس للمرء أن يمشي مع كل من شاء. ليس للمرء أن يمشي مع كل من شاء، وإنما الإنسان يمشي مع أهل الاستقامة، أهل الصلاح، أهل البر، أهل التقوى. بل ينبغي لك أن تقول، ولا مانع في ذلك، ينبغي أن تقول لابنك امشي مع فلان، صاحب فلان، فلان فيه خير، فلان فيه صلاح، فلان يحافظ على الصلاة، امشي معه، حافظ على المشي معه، تعلمه هذه الأشياء، وكذلك تنهاه عن مشيه مع خلطاء السوء وقرناء السوء والفساد. فهذه مسألة مهمة جدا في تأديب الأولاد وتعليمهم أخ الإسلام. Et ça, c'est un point très important dans l'éducation. Le fait de les éloigner des mauvais compagnons. Et regarde, depuis le prédécesseur, il disait, l'être humain n'a pas à aller et à voir comme compagnon ce qu'il veut, et à être avec qui il veut. Hein? On n'est pas libre d'être avec qui on veut. Hein? Mais il nous est demandé, et il est obligatoire d'être avec les gens de la droiture, avec les soumis à Allah, avec ceux qui s'acquittent de leurs devoirs, hein, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ceux qui préservent les droits d'Allah, qui s'abstiennent de ce qu'il a interdit. Et il n'y a rien qui l'interdit à ce que tu dises à ton fils. Cherche la compagnie de tel, parce que c'est quelqu'un qui préserve la prière. Cherche la compagnie du fils de tel, parce que c'est un bon garçon, parce que c'est un garçon qui préserve ses prières, c'est un bon gars, et ainsi de suite. Tu lui enseignes ce genre de choses à l'islam. comme il est de ton devoir de lui interdire d'être avec tel ou avec tel parce qu'ils sont mauvais dans leur comportement. Hein? Et c'est ça l'éducation et l'enseignement à l'islam. Hein? وهناك أمور كثيرة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعين على تربية الأولاد وهذا نحتاجه كثيرا فالذي لم يتزوج بعد يجب عليه أن يتعلم أمورا قبل أن يتزوج لكي يقوم بها وهي تعين على تربية الأولاد من قبل مجيء الأولاد إلى ما بعد مجيئهم. Et dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, il y a des choses qui aident à l'éducation des enfants. Nous avons besoin de ces choses à l'islam. Hein? Nous avons besoin d'avoir des éclaircissements sur ces choses qui nous vient directement de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, qui nous aide à éduquer nos enfants avant d'avoir les enfants. Il y a des choses que nous devons apprendre avant d'avoir les enfants, avant de se marier, avant de chercher leur mère. Et des choses que nous devons apprendre et connaître au moment où on a les enfants pour leur prodiguer et pour s'acquitter de notre devoir vis-à-vis d'eux. C'est pour ça, tous ceux qui ne sont pas mariés encore, tiens à apprendre, et fais des efforts à apprendre tout ce qui concerne la jurisprudence du mariage, le comportement que tu dois avoir avec ta femme, ceci, pour les garçons et pour les filles, c'est la même chose. Et l'éducation que tu vas donner à tes enfants, le choix des noms, le choix, et ainsi de suite. Tout ceci, tu dois l'apprendre avant à l'islam. Pas une fois que tu es devant. Tu as commencé à te poser. Là, il y a des jurisprudences et des choses de la religion que tu as à acquérir avant. فقبل مجيء الأولاد مما يعين على تربيتهم وتهذيب سلوكهم وتنشئتهم النشأة الصالحة أن تختار الزوجة الصالحة من البداية تختار زوجة معروفة بالاستقامة والصلاح والدين والتقوى لأنها ستكون عونا لك بإذن الله سبحانه وتعالى على تربيتهم على تربية الأولاد. Et donc, avant que tu aies les enfants, parmi les choses qui vont t'aider à éduquer les enfants, à leur prodiguer un bon comportement et à les éduquer de la meilleure des façons, c'est que tu choisisses la femme vertueuse. La compagne de ta vie, tu l'as choisie parmi les femmes vertueuses. Dès le départ. Certains de nos frères souffrent maintenant. Ils sont dans la voiture, mais il s'est dit, je prends une, je vais l'éduquer. Et maintenant, il a dû faire la retorte qu'une fois qu'il a les enfants. Joue pas. L'avenir, tu sais pas de quoi il va être fait. Le destin est le secret d'Allah. Mais, tous les moyens de ton côté, cherche la femme vertueuse, cherche celle qui préserve sa religion, celle qui est connue, de par le fait de préserver les droits d'Allah et de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, parce que celle-là il va être une aide pour toi pour l'éducation des enfants. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم nous a orienté. Il a dit on cherche le mariage avec une femme, on cherche à se marier avec quatre catégories de femmes. La première, pour sa fortune, pour son rang social, pour sa beauté, et il a dit, et pour sa religion. Et il a dit, cherche, et tiens à celle qui a la religion, tu vas gagner. Cherche, et tiens à celle qui a la religion, tu vas gagner. À la fin, quand il a parlé de celle qui a la religion, regarde ce qu'il a dit. فاظفر بذات الدين تربت يداك. Et rabihta, tu as gagné. Si tu tombes sur et tu cherches celle qui a la religion. المرأة ذات الدين الصالحة المستقيمة المحافظة على أمر الله تعينك على تربية الأولاد. وإذا كانت بخلاف ذلك فإنها لا تكون عولا لك على تربيتهم. ولربما كانت ضررا عليك في تربية الأولاد وتأديبهم. فهذا أولا اختيار الزوجة الصالحة التي تكون عونا لزوجها في تربية الأولاد وتأديبهم. Et donc le choix de la femme pieuse, la femme qui est dans la droiture, dans sa religion, hein? Celle-là, cette femme-là va t'aider à donner, à prodiguer une bonne éducation à tes enfants. Et c'est la femme, c'est le contraire de la femme pieuse, il va te faire souffrir. Et peut-être même il va te faire du mal, il va faire du mal à l'éducation des enfants. Et donc, la première des choses qui nous aide à éduquer nos enfants, c'est la femme pieuse. Celle-là, il va être une aide, hein, pour l'éducation des enfants. Amr al-Tani, سؤال الله تبارك وتعالى الدرية الصالحة مثل ما جاء في دعاء عباد الرحمن في آخر سورة فرقان من أدعيتهم قولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه من أدعية المؤمنين الصالحين عباد الرحمن يسألون الله تبارك وتعالى أن يرزقهم من الأهل والذرية ما تقر به أعينهم، أي ما يسعدهم. والعين تقر برؤية الابن الصالح المستقيم المحافظ على أمر الله. Et le deuxième point qui nous aide à l'éducation de nos enfants, c'est le fait de faire des du'as, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une descendance vertueuse, comme il est rapporté dans le du'a des serviteurs du Clément, dans Sourate Al-Furqan, fait partie de leur du'a, où Allah, hein, donne-nous de nos femmes une descendance qui sera la joie de nos yeux. Et le bonheur qui fera le bonheur de nos yeux, c'est-à-dire quand on les voit, on est joyeux. Et fait que nous soyons parmi ceux qui préservent les droits d'Allah. Hein? Et que nous soyons pour ceux qui préservent les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des guides. Hein? Et il est évident, ce dua qu'au fond, les croyants vertueux, parmi les serviteurs du Clément, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner une descendance qui va les réjouir. Quand ils voient leurs enfants, ils vont être contents, réjouis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la droiture. Parce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute que le fait, l'enfant vertueux, il ramène la joie à son père, à sa mère. Hein? وإذا كان الابن والعياذ بالله فاجرا فاسقا مجرما خبيثا فإن الأب في غاية الكدر والنكد والغثاء دائما. Et c'est l'enfant maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, il est pervers, criminel, impur, il n'y a aucun doute que les parents sont tristes. Il n'y a aucun doute que ceci ramène la tristesse aux parents. Et tu as à voir combien d'exemples tu as dans ta cité. Regarde leurs parents comment ils sont quand ils se plaignent et te parlent de leur situation. Hein? Parce que l'enfant, il est quoi? Il est débauché, il fait n'importe quoi, il rentre en prison, il en ressort, il fait du mal aux voisins, et ainsi de suite. Hein? أما إذا كان الإبن صالحا مستقيما فإن عينه تقر بذلك. Et donc, mais quand l'enfant il est vertueux, il n'y a aucun doute que ceci apaise les parents. et leurs yeux à le regarder sont réjouis. ولهذا يشرع أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Et c'est pour ça qu'il nous est légiféré de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire beaucoup de dua et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une descendance pieuse, vertueuse. Hein? Et le verset cité ici, dans sa traduction approximative, il y dit, hein, quand mes serviteurs te posent des questions sur moi, dis-leur que je suis proche. J'exauce le dua de celui qui me demande. Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône géant, subhanahu wa ta'ala, il est proche, il entend tout. Il voit tout, il sait tout de nous, subhanahu wa ta'ala. فالله تبارك وتعالى إذا دعوته وألححت عليه وسألته بصدق أجاب دعاءك وحقق رجاءك وأجاب سؤلك. الله سبحانه وتعالى quand tu lui demandes, quand tu insistes à demander et quand tu lui demandes avec véracité, en montrant que tu as besoin de son aide, etc. Et avec humilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il comble ton souhait. Il répond à ta demande, il exauce ta demande, subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli min as-salihin. Bihada kana yad'u alayhi salatu wa salam Ibrahim. Rabbi habli min as-salihin. Et regarde, l'intime d'Allah Ibrahim alayhi salatu wa salam. Dans cette traduction approximative de ce verset, il dit « Ô Allah, comble-moi par des vertueux. » C'est-à-dire, donne-moi une descendance vertueuse. Ainsi était le dua d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. « Fa'anta tas'alu Allah, tabaraka wa ta'ala, an yahabaka dhurriyata as-saliha, wa idha kana undaka dhurriyatun, tas'alu Allah, jalla fi ulah, an yuslihahum lak. Allahumma aslihi waladhi. » اللهم أنبته النبات الحسن اللهم قومه اللهم علمه اللهم فقهه اللهم أرشده إلى مراشد أموره فتدعو الله تبارك وتعالى لولدك. Et donc, et aussi quand tu as les enfants, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé. Tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de te combler d'une descendance vertueuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé avec une... Tu continues à faire du dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que tes enfants soient dans la bonne voie, qu'ils soient bien orientés, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, leur permettre de grandir de la meilleure des façons et sur les plus nobles comportements, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la compréhension de la religion, hein. Tu continues à faire du dua pour ton enfant. وإياك وإياك ثم إياك أن تدعو عليه إذا تفاقم شره وكثر فساده أو نحو ذلك لا تدعو عليه لأنه قد يوافق ساعة إجابة فتجاب بذلك وأنت قد دعوت عليه فادعو الله له بالصلاح وبالهداية والاستقامة والبر والصلة والإحسان والمحافظة على أمر الله أكثر من دعاء الله ولا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله ألح على الله تبارك وتعالى في الدعاء والله تعالى مجيبك ومثيبك على ذلك أعظم الثواب فهذا من الأسباب المعينة على تربية الأولاد دعاء الله ورجاؤه سبحانه وتعالى على أن يصلحهم. Et donc, faire très attention de ne pas faire des dua contre les enfants. Quand ils sont devenus très mauvais, des débauchés, leur mal est énorme, ne fais pas des dua contre eux. Parce que peut-être, au moment où tu fais dua, ton dua va coïncider avec l'heure où le dua est exaucé, il sera exaucé. Hein? Il t'est demandé, il vaut mieux que tu fasses des dua pour qu'il soit réformé, pour qu'il soit guidé, hein? Pour qu'il soit dans le bien, pour qu'il soit dans l'obéissance à Allah, et pour qu'il soit quelqu'un qui préserve les droits d'Allah. Il ne fait pas des dua contre lui. Il ne faut pas désespérer de la clémence d'Allah. Tu insistes, tu fais beaucoup de dua et tu insistes et tu ne cesses d'insister à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les reforme dans le bien. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'exaucer et il va te récompenser d'une grande récompense. Et dua à l'islam fait partie des moyens qui aident à l'éducation des enfants. Demander à Allah, avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est très important. كذلك من الأمور والأسباب المعينة على تربية الأولاد أن تختار لهم الأسماء الطيبة, الأسماء الحسنة, الأسماء التي تربطهم بطاعة الله عز وجل. تسميه مثلا عبد الله, عبد الرحمن, محمد, صالح, نحو هذه الأسماء التي تذكره. والاسم في الغالب له تأثير, ويقولون لكل من اسمه نصيب. الاسم له تأثير. فإن الله سبحانه وتعالى aussi parmi les choses qui nous aident dans l'éducation de nos enfants, c'est le choix du nom. Que tu lui choisisses un bon prénom, hein? Un prénom qui va le lier avec l'obéissance à Allah, qui va lui rappeler la grandeur d'Allah et l'obéissance et la soumission à Allah. Tu l'appelles Abdullah ou Abdurrahman ou Muhammad ou Saleh. Et les noms qui vont lui rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, le nom, il a un impact sur celui qui le porte. C'est pour ça qu'ils disent, hein, chacun a de son prénom, a une part de son prénom. Chacun a une part de son prénom. C'est-à-dire, ce que ça veut dire ce prénom. Hein? Al-ism lahu ta'thir. Fa'indama tu sammi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, عبد الغفور ونحو ذلك من الأسماء, أو تسميه محمد أو صالح, فهذا الاسم قد يؤثر فيه ويجعله يتذكر ارتباطه بالصلاح, ارتباطه بما يحمد عليه, ارتباطه بعبادة الله, ارتباطه بعبادة الرحمن. ها؟ Et donc, le nom, il a un impact sur l'éducation de l'enfant et sur la psychologie de l'enfant. Bah, quand tu lui donnes un nom comme Abdullah ou Abdurrahman ou Abdurrahim ou Abdurghafour, parmi ces noms, ce genre de noms, ou alors Muhammad ou alors Saleh, il n'y a aucun doute que ça, ces noms peuvent avoir un impact sur l'enfant. Et ils vont lui rappeler sa liaison avec le bien. Hein? Ils vont lui rappeler, hein? Ils vont lui rappeler les choses avec lesquelles il va être loué, hein, et les choses par lesquelles il peut être loué. C'est la soumission à Allah, le comportement enseigné par le Coran, enseigné dans la Sunna, et ainsi de suite. Hein? Le nom, en tous les cas, il a un impact sur l'enfant. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans le hadith authentique, أحب الأسماء, لهذا جاء في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. ولا مانع بل ينبغي أن تعلم ابنك عندما تسميه عبد الله, تقول أنت عبد لله, الله هو الذي خلقك, هو الذي أوجدك, هو الذي ينعم عليك, فيجب عليك أن تنشأ عبدا لله ممتثلا أمر الله, مطيعا له, منقادا لشرعه سبحانه وتعالى. تقول له أنت اسمك صالح والصالح هو المحافظ على أوامر الله، المحافظ على طاعة الله، البعيد عما حرم الله، وهكذا تعلمه فتختار له الأسماء الحسنة، الأسماء الطيبة. إذن كما يرابورت في الحديث الأوثنتيك que les prénoms les plus aimés من الله عز وجل عبد الله عبد الرحمن il y a aucun doute et rien ne l'interdit que tu enseignes à ton fils ce que ça veut dire Abdullah. On signe que tu es soumis à Allah, tu es le serviteur d'Allah, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait exister, c'est lui qui te comble de ses bienfaits. Et il est obligatoire que tu grandisses comme un serviteur et comme un soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu grandisses et que tu évolues dans ta vie en étant soumis à Allah, en mettant en application les ordres d'Allah, en s'abstenant de ce qu'il t'a interdit. En étant soumis à sa législation, et tu lui dis, ton prénom, tu t'appelles Saleh. Saleh, c'est celui qui préserve les droits d'Allah, qui oublie Allah, qui s'éloigne de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Ainsi, tu lui choisis les noms, et en même temps, quand il comprend, tu lui enseignes ce que ça veut dire. أيضا من الأسباب المعينة على تربية الأولاد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الجماع مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا فهذه من الأمور المعينة على تربية الأولاد et fait partie aussi des causes et des moyens qui vont nous aider à éduquer nos enfants, c'est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan. Au moment d'avoir le rapport avec nos femmes, comme il est rapporté dans le hadith authentique, Rasulullah s'en est dit, quand quelqu'un va contracter l'acte avec sa femme, qu'il dise « Bismillah » au nom d'Allah. « Oh Allah, fais-nous éviter shaitan et fais éviter shaitan à ce que tu nous as prodigué. » Et il dit, alayhi salatu salam, il est le véridique, qui n'a dit que la vérité, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que de par ce rapport, il va y avoir une naissance, cette naissance, Shaitan ne lui fera pas de mal. Et ceci est très important. Il n'y a pas à l'oublier à l'islam. Et regarde, chez les mécréants, comment, Shayatin chez eux sont nombreux. Parce que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas prononcé. Et regarde leurs actes, comment ils sont. Il n'est même pas à la hauteur d'une baguette. Et tu vas voir les tours qu'il fait. L'ayadha billah. On arrête là, inshallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.